Bonsoir tout le monde et bienvenue sur les rubriques de G. C'est un plaisir de vous proposer un petit podcast, comme d'habitude, un nouvel épisode de Histoire de fans de comics. Vous commencez, je présume, à connaître un petit peu le concept de l'émission. Je m'amuse à recevoir des gens que j'aime bien, des potes, des copains, ou des gens qui m'intéressent, qui ont un parcours, on va dire, atypique en termes de lecteurs, en termes de lecteurs de comics. Et puis j'aime bien discuter avec eux, essayer de parcourir avec eux leur enfance, leur adolescence, leur vie d'adulte, pour savoir un petit peu les titres, les scénaristes, les dessinateurs qui ont pu à un moment donné les marquer dans leur parcours de lecteur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ami, un youtubeur, le French Geek de la chaîne La Caverne du French Geek. Comment ça va, parce que tu t'appelles Jérôme aussi. Nous sommes tous des Jérômes. Ça va bien et toi? Écoute, ça va pas mal. En ce lundi après-midi, nous enregistrons un lundi après-midi. Au mois d'août. C'est formidable. J'ai cru que ça avait coupé. va pas falloir me faire des coups comme ça trop souvent. J'ai cru que ça avait coupé, gros. C'était terrible. Et je trouve que c'est marrant, en fait. D'habitude, c'est vrai que j'enregistre plus le soir. Et là, il a fallu trouver un horaire qui correspondent à tous les deux, parce que toi, tu habites loin. Dans l'Oregon, en Amérique. Donc là, chez moi, il est 6h30 du matin. Ah ouais, putain, merde. C'est quand même très tôt. Donc on va peut-être avoir une petite différence de pêche au cours de cette émission, entre le mec qui est dans son milieu de journée et qui est ultra chaud, et toi qui viens de te lever, quoi, en gros. Je me suis levé à 4h30 ce matin, donc ça va, quoi. Ça fait 2 heures que je suis plus ou moins réveillé, donc ça va le faire. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous présenter ta chaîne YouTube et ce que tu fais dessus? Après, lâche-toi, hein. Si ça doit prendre 10 minutes, ça prendra 10 minutes, hein. C'est pas grave. Hein. En fait, j'avais commencé cette chaîne avec l'idée de présenter des comics, des bouquins, des films, des figurines, des jeux vidéo. C'est-à-dire en fait toutes les choses qui m'intéressent, qui me passionnent. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me passionnait ne passionnait pas forcément les foules. Et je me suis un petit peu recentré sur les comics. Mais j'essaie quand même de temps en temps de forcer mes écouteurs. Voilà. De forcer mes abonnés à écouter des reviews sur des films ou des bouquins. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de parler de choses, enfin de sujets, d'auteurs qui ne sont pas forcément très connus ou qui... J'ai découvert avec surprise que par exemple John Byrne ou Frank Miller, qui sont deux de mes idoles, sont très mal aimés maintenant par les jeunes générations, j'ai envie de dire. Mais par des jeunes trous du cul, il faut le dire très clairement. Non, je plaisante, évidemment, chacun est libre de ses goûts, mais quand même. Mais c'est pareil avec John Romita Jr., quoi. C'est des mecs que j'adore, ils m'ont enthousiasmé dans les années 80, et bon, c'est clair que leur style évolue, mais je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des gens qui les détestent. Et bon, j'essaie de les faire découvrir ou redécouvrir à mon humble niveau, quoi. C'est ça. Et toujours en étant, extrêmement, c'est pas extrêmement franc, t'es juste franc, t'es juste sincère. Tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi, quand t'aimes pas quelque chose, t'hésites pas à le dire. Quand tu aimes quelque chose, tu le dis aussi. Et toujours avec des analyses assez fines et puis vraiment sincères, quoi. C'est vraiment tout ce que j'apprécie, en fait, dans toutes tes vidéos, à chaque fois. Et peu importe le sujet. C'est gentil. Et justement, oui, c'est ce que j'essaie de faire. Je veux dire, je fais pas des vidéos juste pour encenser quelqu'un ou juste pour cracher dans la soupe. C'est très facile de dire ce mec-là il est génial ou ce mec-là il est débile. Et j'estime que qui aime bien châtie bien. Qui veut dire que tu peux toujours trouver des défauts, tu peux toujours trouver des qualités à quelqu'un ou à quelque chose. Et j'essaie d'être le plus objectif possible, en sachant que ça n'existe pas, quoi. J'ai forcément un parti pris. Et en même temps, je fais ça pour susciter une réaction. je suis le plus heureux des youtubeurs quand j'ai des visiteurs qui me disent. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que ils expliquent. Ah ouais, par contre, faut qu'ils expliquent. Ah ouais, c'est là où le bas blesse, quoi, sur YouTube. ou sur les réseaux sociaux, c'est que tu vas souvent trouver des gens qui vont être dans la contradiction de ce que tu dis, mais ils seront pas forcément très présents pour expliquer. Non, et dans ces cas-là, je les dégage très vite. Je veux dire que le mec qui vient juste cracher sa haine sous ma chaîne, bon bah merci d'être passé, mais au revoir, quoi. Ouais, ça sert à rien, on va Par pas se contre, prendre la tête avec ça, quoi. bah non, la vie est trop courte. Et puis bon, bah, moi ça me fait quand même rire parce qu'il y a des gens comme ça qui écrivent, ils passent 10 minutes ou je sais pas, 1 heure à taper un message rempli de haine. Moi, ça me prend 5 secondes, j'appuie sur 2 boutons, boum, le message il est effacé. Donc bon, s'ils ont envie de perdre leur temps, c'est eux que ça regarde. Mais moi, je vais pas me prendre la tête à leur répondre. Par contre, j'adore quand quelqu'un justement prend la peine d'expliquer pourquoi il n'est pas d'accord, pourquoi son avis est différent. Ça crée une communication et j'aime beaucoup ça. Et c'est ça qui est super intéressant, bah, c'est l'essence même en fait, bah, de vouloir faire des vidéos, alors normalement, hein, de vouloir faire des vidéos, des blogs, ce genre de choses, c'est de partager et de rencontrer des gens bah, qui ont les mêmes passions que toi, pas forcément les mêmes avis, mais avec lesquels bah, tu vas pouvoir t'enrichir aussi et bah, d'avis contradictoires, chose qu'on fait de moins en moins, je trouve, mais qui est très intéressante. Tout à fait. J'aime justement cet échange. Et ce que tu dis est très juste. C'est-à-dire qu'on a un univers commun et on a des références communes. Et après, bien évidemment, on a des avis qui divergent. Et on est d'accord, on n'est pas d'accord. On aime telle personne ou on déteste telle autre. Et c'est cette discussion qui fait que ça enrichit tout le monde. C'est ça. Et bah après, moi je trouve que c'est vraiment le sel du truc, quoi. Du moment où tu décides de partager autour de ta passion et voilà, faire en sorte que ça devienne pas un métier, hein, clairement, d'essayer. Enfin, après, quand tu essayes de gagner de la thune avec ça, c'est déjà la démarche n'est déjà plus du tout la même. Mais quand tu es vraiment là dans un souci bah, de partage, de découverte et tout, bah, c'est vraiment ça en fait qui je trouve est le plus satisfaisant en fait, c'est de rencontrer les gens et puis de discuter et puis bah voilà. Enfin, tu vois, cette émission, elle en est le parfait exemple parce qu'au final, eh ben j'invite que des gens que j'ai rencontrés grâce à ma chaîne, grâce aux vidéos. Eh ben, ça m'a fait très plaisir d'être dans ton émission. Merci, G. À plus. Tu m'as contraint, hein, faut pas le... Non, en plus, il y a une petite anecdote quand même que je trouve marrante, tu vois, à dire, c'est que quand j'avais reçu Secteur de 1814 en off, t'sais, je lui avais dit, bah voilà, t'sais, forcément, et ce sera pareil pour toi, le lien sera en description, j'inviterai les gens à aller checker ton blog, tout ça, enfin voilà, mais je lui ai dit, mais je te le dis, quand moi je fais des coups de pub en fait à des gens que j'aime bien, ça foire lamentablement. Et tu en es le parfait exemple, parce que je crois que tous les mois ou tous les 2 mois, je te fais un petit coup de pub comme ça en passant, et ça ne fonctionne jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu vois, on pourrait espérer que d'un coup, il y a une centaine de personnes qui disent, tiens, je vais aller voir ce que fait la caverne du French Geek, tout ça. Putain, ils y vont jamais, hein, les connards. Hein. C'est quand même exceptionnel. Hein. Allez voir le travail de G de la caverne du French Geek, parce que c'est vraiment trop bien, vous allez apprendre plein de trucs. Vraiment. Mais en fait, non. Ah bah Et ouais, je mais te non, mais remercie. si tu me savonnes la planche. Non, mais attends. D'ailleurs, je te remercie franchement énormément à chaque fois que tu me fais de la pub. Ça me rapporte toujours entre 2 et 5 abonnés. Et bon, c'est clair qu'il n'y en a pas 2000 qui viennent chez moi. J'en ai pas 2000 Mais donc en même temps. voilà, il y a ça aussi. Non, non, mais. Je te remercie parce que moi, bon, à chaque fois que j'ai un petit pic d'abonnés, je me dis, tiens, il y a soit c'est G, soit c'est Bob. Bob Zombie. Ouais. Vous êtes les deux. À chaque fois que vous parlez de moi, j'ai toujours un petit pic d'abonnés en supplémentaire. C'est rigolo. On joue en double sur ce dossier. Je vous remercie bien, bah, tous les deux. Bah, c'est normal, c'est cool, enfin, j'allais dire, c'est normal, c'est même pas du fait qu'on soit potes, c'est vraiment du fait que, bah, ouais, non, vraiment, ce serait pas bien, je dirais pas aux gens d'y aller, quoi, en toute honnêteté, potes ou pas potes, voilà, hein. Mais là, pour le coup, bah ouais, allez-y, quoi, c'est vraiment chouette, c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos, de les voir et de les revoir, mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure à propos de dessinateurs que tu affectionnes tout particulièrement et auxquels tu as consacré des vidéos. Et il y en a plusieurs en fait que j'ai vu à plusieurs reprises parce que j'aimais beaucoup. Oh. Voilà. Tu en redemandes. Mais qu'il est gourmand. Mais en fait, un truc peut-être qu'il faut que je prévienne tes visiteurs. Je me souviens qu'au tout début, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je suis même pas sûr en fait que c'était la caverne du French Geek. Je pense que c'était quand c'était dans le groupe Facebook, Ouais. avant que je crée ma chaîne. Ouais. Et les mecs me surnommaient le professeur. C'est vrai. Et je trouve que ça me décrit très bien, dans le sens où mes vidéos ne sont, enfin, je ne fais pas des vidéos pour amuser le public. Et je pense que c'est en fait mon plus gros défaut. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que j'ai pas 15 000 abonnés. Je fais rien pour amuser le public. Donc je me contente de dire, voilà, j'aime tel artiste, voilà pourquoi je l'aime, voilà dans quel bouquin je l'ai aimé. Et puis ben, vous prenez ça et puis vous en faites ce que vous voulez, quoi. Et je ne fais pas de gags, je ne fais pas de présentation super chiadée. Si, quand C'est même, c'est bien juste, fait, quoi. j'exprime mon ressenti, quoi. Et je reconnais qu'il y a un côté professoral là-dedans. C'est peut-être pour ça que quand j'écoute tes vidéos, je mets mon carnet de correspondance sur le coin de la table. Un vieux réflexe. N'oublie pas ton écherelle aussi. Tout à fait. C'est des vieux réflexes d'arbre, on sait jamais. Voilà, alors bon, abonnez-vous, mais méfiez-vous, une heure de colle n'est jamais loin. Que ce soit bien clair. Interrogation surprise. Non mais chez bah disons que t'es sérieux, t'es tu vois t'es dans ce que tu fais, t'es carré et c'est vrai que bah t'es pas mais après ça fait enfin je sais pas c'est avec ça va avec le avec toi en fait on je pense qu'on toi on fait des vidéos aussi un peu comme on est et voilà et je te C'est vois ça. pas en train de commencer une vidéo en faisant la roue tu vois c'est ça colle pas avec le personnage mais par contre ça veut pas dire que t'es pas drôle dans tes vidéos et que t'es pas intéressant et loin de là loin de là loin de là. Bah, c'est très gentil. Disons Voilà, que c'est il y la fin de a. cette émission. Et non, Voilà. vas-y. Ouais, non, c'est un truc tu viens de me donner la brosse à reluire, donc je te la repasse. Un truc que j'admire, que j'adore dans tes vidéos, c'est ta faculté à nous mettre à l'aise. Tu as une façon de t'exprimer. C'est pareil, tu fais pas de. T'as pas un maquillage, un nez de clown, tu fais pas de gag ou de trucs comme ça, mais tu as une façon de t'exprimer, tu mets les gens à l'aise, on est tout de suite. Tu nous prends par la main, tu nous emmènes au bar du coin, allez, on va discuter devant une petite mousse. T'as cette faculté-là, c'est absolument. Je suis jaloux. C'est gentil. J'admire ça. C'est gentil. C'est vrai. Mais tu vois, ça fait partie des trucs qui ont fait en fait que j'ai eu envie de faire des vidéos. Parce que alors évidemment j'avais envie de parler de comics, mais aussi j'aime beaucoup en fait l'aspect entre guillemets. J'aime pas ce mot parce que c'est très pompeux, mais l'aspect orateur. Le fait de pouvoir avoir un sujet en tête, à la limite avoir quelques notes. Vraiment griffonner, tu vois, sur un bout de papier, avoir un plan dans sa tête et pouvoir se laisser gagner par son propre propos et réussir à disserter autour et essayer eh ben d'être suffisamment intéressant et passionnant pour que les gens ils adhèrent à ça. Alors, je suis très très loin d'être excellent dans cet exercice, mais c'est vraiment un truc qui me fascine, les orateurs. À la manière, par exemple, ça va faire bondir des gens. Mais tu vois, j'ai eu l'occasion. J'adore par exemple les avocats. Parce que les avocats, c'est au-delà de leur métier et de tout ça, il y a cette espèce à un moment donné de lâcher prise où ils se jettent dans le vide pour devant des gens, et ben, tenir une plaidoirie. Et je trouve ça incroyable comme exercice. Incroyable. Et c'est vraiment un truc, voilà, il y a un aspect communicant, tout ça, que j'apprécie beaucoup. Et j'aime bien le faire, tu vois, enfin, entre guillemets, le faire en vidéo. Bah, c'est un outil que j'aime bien utiliser en vidéo. Voilà. En fait, je peux t'appeler Matt Murdock maintenant. Tant que c'est pas Dupond-Moretti, t'es quoi, ça va, ça passe. Je sais même pas si tu le connais, toi, Dupond-Moretti. Non, non. Et voilà, Aucune idée, ouais. Mais dis-moi. ça, c'est le souci, tu vois, d'être expatrié. C'est un des plus célèbres avocats, en fait, de ces dernières années. Qui est hyper impressionnant dans son métier d'avocat et qui est devenu il y a quelques mois ministre de la justice du gouvernement de Macron, enfin de Macron de Castex. C'est nous ici. Le plus célèbre qu'on a, c'est Rudolph Giuliani. Ouais, c'est l'ancien maire de New York, lui, c'est ça? Voilà. Enfin, il va se retrouver en taule, lui. Ben, À défaut que ce soit Trump, ce sera lui qui ira. Ah ouais, il est dans la merde? Ah bah oui, ouais. Il a été rayé du barreau, mais bon, évidemment, il a fait appel, machin. Ouais, il sera condamné quand il sera mort, quoi. En gros. C'est Ah bref. l'avantage des gens qui ont du pognon et donc un tas d'avocats, tu peux faire durer les procédures le temps d'une vie. C'est ça qui est fantastique. Mais bon, c'est une catastrophe. Est-ce qu'on commencerait pas à se poser des questions? Est-ce que ce Bien serait pas le sûr, moment? allons-y, soyons fous. Alors, bah, traditionnellement, je demande toujours en fait quelle a été en fait ta première rencontre avec les comics, avec la bande dessinée en général, avec les comics ensuite un petit peu plus en particulier, et est-ce que tu es toi-même issu, entre guillemets, d'une famille de lecteurs? Est-ce que ça a joué dans le fait de vouloir toi-même eh ben, lire des livres et lire des comics? Alors en fait là, tu as trois questions, si j'ai Plein. bien compris. Ouais, là en gros, je te passe le micro et je peux quasiment aller pisser. T'as une petite demi-heure là pour répondre. Alors, je vais prendre tes questions à l'envers, Mais je parce t'en que prie. ça, historiquement, ça va marcher comme ça. Donc en fait, je viens d'une famille de lecteurs. Ma mère lit surtout, j'ai envie de dire, de la bonne littérature. Donc, Émile Zola, Hugo, tout ça. Et mon père lisait surtout des bouquins, ce qu'on appelait à l'époque des romans de gare. San Donc, Antonio, SAS. voilà, la science-fiction, j'ai lu Fleuve Noir, ce genre de truc. Il fait que, tout petit, j'ai baigné dans une ambiance, je ne veux pas dire studieuse, mais littéraire. Il y avait des bouquins partout, et deux genres de bouquins. Et en plus, bon, ils avaient, comment ça s'appelle, ils avaient des encyclopédies. Ils avaient aussi en anglais des National Geographic. D'accord. Donc ça me faisait découvrir le monde, quoi, en fait. Et j'ai commencé donc à lire tout petit, lire des livres. Je crois que j'ai commencé avec la bibliothèque rose, et puis quand j'ai eu 7 ans, 8 ans, je suis passé à la bibliothèque verte, un truc comme ça. Après, il y a eu Penthouse, Playboy. Ouais, ça c'est un peu plus tard. Mais ça c'est avec des images surtout. Ah bah, ah, l'art séquentiel, hein, l'image, c'est quand même très important. Et en fait, quand j'étais gosse, j'adorais lire. Et vraiment. C'est-à-dire que quand j'étais en classe, quand j'étais au primaire, on avait des fiches de lecture. Je lisais les bouquins de mes camarades pour faire la fiche de lecture. Parce que eux, ça les faisait chier. Et puis, bah, moi, j'adorais lire. Donc, ça, c'était au niveau des livres. Et puis, bon, en même temps, donc, je lisais. J'ai dû commencer avec Picsou Magazine. Enfin, j'ai commencé avec, j'ai envie de dire, les classiques de la BD, Pif Gadget, Picsou, ce genre de trucs. J'ai un de mes plus vieux souvenirs, c'était pas vraiment du super-héros, mais je crois que c'était, ça devait être Zembla Kiwi. Donc, les petits fascicules en noir et blanc de Lug, sans que je sache à l'époque que c'était Lug, et c'était des histoires de Tarzan, enfin, des espèces d'ersatz de Tarzan, des histoires de cow-boys, des histoires de guerre. Donc tout ça a été jusqu'à mes 7 ans. Et à 7 ans, en fait, bon, mes parents viennent de l'Indre et l'Indre-et-Loire. Et ils se sont rencontrés parce qu'ils travaillaient tous les deux à l'OTAN, qui était à Châteauroux à l'époque. Et en fait, le général de Gaulle, en 67, je crois, il a viré l'OTAN de France. Et l'OTAN s'est réinstallée au Luxembourg. Et mes parents, travaillant à l'OTAN, sont partis travailler au Luxembourg. Et je suis né là-bas. Et en fait, on retournait dans l'Indre pour les vacances scolaires, pour voir les familles de mes deux parents. Et je me souviens, bon, la famille de ma mère est décédée rapidement, mais on est retourné voir la famille de mon père pendant des années. Et donc, je me souviens, chez ma grand-mère, c'est là, en fait, que j'ai commencé à lire Lestrange. Et donc, j'habitais au Luxembourg. Ça n'existait pas, Lestrange. Il n'y avait pas les publications françaises n'arrivaient pas là-bas. C'était surtout des publications allemandes. Et donc, je lisais Lestrange aux vacances de Pâques, aux grandes vacances et à Noël. Donc, j'avais des trous dans mes collections. Et Et en fait, tu c'était les une achetais horreur, parce quoi. qu'ils étaient là-bas ou tu les lisais parce que vous étiez en vacances et donc du coup c'était l'occasion d'en acheter. Bah, c'était ça, quoi. C'était juste en vacances, c'était l'occasion d'en acheter. D'accord. Ma mère détestait les bandes dessinées, en général. Pas de jour que je marchande avec mon père pour qu'il aille m'acheter des BD. C'est ma sœur, en fait, qui a été dans le bureau de tabac. On a été tous les deux dans le bureau de tabac. Et elle a pris un titan. C'était le titan, je crois, 17. Où tu vois, t'as Iron Fist qui est enfermé dans un espèce de diamant. Ouais. Et tu as le maître Kane qui est assis dans un fauteuil qui l'observe à travers le prisme du diamant. Et ça a été le premier, en fait, que j'ai lu. C'était la première revue de super-héros que j'ai lu. D'accord. Et ma sœur, en fait, elle a 18 mois de plus que moi. Elle n'a pas du tout accroché. Et moi, je suis tombé pied. Je suis complètement tombé dedans. Et je crois que je suis retourné après et j'ai acheté le Special Strange 14. C'est celui où tu as. La première page, quand tu l'ouvres, tu as le fléau qui est en train de démonter la gueule aux X-Men. D'accord. Et il y a écrit Qui vaincra le fléau? Ou Ouais, un truc comme ça. ouais, ouais, ouais, ouais. Et cette BD, ça m'a traumatisé parce que jusqu'à ce moment-là, bon, que ce soit Tintin, Pif Gadget, Milou, tout ça, les Picsou, les héros gagnaient toujours à la fin. Ouais. Et celle-là, les X-Men se font atomiser par le fléau. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est des héros, ils se font détruire, qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir la suite. Et évidemment, la suite, je l'ai lue, je crois, 3 ou 4 ans plus tard, quand j'ai réussi à trouver un album relié qui permettait de regrouper ces épisodes-là, plus la suite. D'accord. Et Et. le Iron, excuse-moi, le Iron Fist, c'était aussi, c'était déjà Claremont et Byrne? Oui. D'accord. Tu avais Iron Fist et les champions étaient dessinés par Byrne. Ouais. Le Special Strange, en fait, donc celui que j'ai, le premier donc, que j'ai pris, c'était avec Dave Cockrum. Mais je crois que le suivant, ça a été justement le numéro 17, ça a été le premier John Byrne. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que John Byrne dessinait tout ce qui était en rapport avec les super-héros. Ouais, c'est Parce que clair. après, il a aussi dessiné le projet Pegasus dans les histoires de la chose. Il y a eu quelques épisodes de l'araignée, toujours dans Special Strange. Donc il y avait Special Strange, il y avait l'araignée, la chose, les X-Men dessinés par Byrne. Titan, il y avait les champions et Iron Fist. Enfin, quasiment deux séries, enfin deux magazines avaient toutes leurs séries dessinées par John Byrne. Et puis, mon premier Strange, c'était le Strange 116, où tu vois Tarantula qui essaie d'embrocher l'araignée avec ses éperons. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et celui-là, c'est pareil. Bon, parce qu'en fait, je crois que le buraliste épuisait ses Stranges tout de suite, mais les Special Stranges, les Titans, c'était des bimestriels et trimestriels, donc ça restait un petit peu plus longtemps en stock. Et généralement, j'arrivais à trouver les Titans et les Special Stranges, mais pas les Stranges. Et c'est pour ça que le premier Strange que j'ai eu, je crois que c'était un an après que j'ai découvert Titan et Special Strange. Et tu prenais pas les Et Nova? ça n'existait pas à cette époque. Il me Ah semble oui, pas. c'est vrai, c'est arrivé peut-être un peu après, ouais. Ouais. Arrivé dans un. Mais après, oui. Et justement, j'ai adoré Nova parce que. J'ai adoré la série Nova dans Nova Ouais. parce que je l'ai prise au début. Ouais. Alors que l'araignée dans Strange, les X-Men dans Special Strange. C'était des séries qui avaient déjà X épisodes qui existaient. Alors que Nova, il a commencé. Enfin, j'ai commencé avec lui, si tu veux. Ouais, Richard Donc, Ryder. oui. Et comment dire, la nostalgie joue des tours parfois parce que je me suis racheté les premiers épisodes en très paperback, en BO. C'est nul à chier, quoi. Ouais, bah, voilà, ouais. Il y a des trucs comme ça, vaut mieux garder un souvenir d'enfance et pas y retoucher. Sincèrement. Exactement. Parce que j'en avais un souvenir émerveillé. Ouais. Et bon, c'est vraiment une copie pirate de l'araignée. Peter Parker, c'est la même chose, quoi. Mais donc, t'as ça d'une part. Si tu veux, donc à partir de mes 7 ans, j'ai commencé à me mettre c'est-à-dire aux X-Men, aux comics. Mais d'un autre côté, donc j'avais toujours ma sœur qui, elle, lisait des BD franco-belges. Et je continuais aussi à lire des BD franco-belges. Et ce qui est rigolo, c'est que. Donc, ma sœur lit beaucoup de bandes dessinées. Mais ça reste tout le temps du franco-belge. Je crois qu'elle a essayé un petit peu les mangas, elle a essayé un petit peu les comics, elle Ouais. n'accroche pas du tout. Et quand on avait 13-14 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, vraiment, on lisait deux genres de BD complètement différents et dans le franco-belge. Et moi, j'étais avec Flûte glaciale, donc caca pipi boudin, Ouais. et elle lisait Corto Maltese, Comès, Druillet, Bilal, enfin, tu vois, en même temps. Moi, je lui piquais ses BD, ce qui la faisait hurler, évidemment. et parce que j'étais le méchant petit frère. Bah oui. Mais en même temps, ça m'a ouvert donc à d'autres séries. Moi, tu sais, je lisais Blueberry, des trucs. Blueberry, les tuniques bleues, comment ça s'appelle, Ricochet, ce genre de trucs. Ouais, ouais. Bon, elle lisait des BD un peu plus adultes déjà. Et ouais, enfin, c'était intéressant, ça m'a ouvert vraiment à plein d'autres choses. Et en fait, j'ai arrêté de lire des bandes dessinées franco-belges, je crois, vers mes 16 ans. Et je me suis vraiment tourné. J'ai aussi arrêté de lire les traductions. Et je me suis mis à 100% dans les BO. Ouais. Bah, c'était une question que je voulais te poser. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 10 ans, j'ai été dans une autre école, parce que j'ai passé mon temps à changer d'école, à déménager. Et j'ai fait 2 ans d'anglais. En fait, ces 2 ans d'anglais m'ont permis plus tard. Donc, j'avais toujours mon père, il travaillait à l'OTAN. Et à un moment, je ne sais plus comment ça m'est arrivé. Je lui ai dit, mais attends, tu as des copains, enfin des collègues qui sont américains? Il me dit, bah oui. Et je lui ai dit, il n'y a pas moyen d'avoir un de ses collègues qui s'abonne pour moi à des comics en VO? Il me dit, bon, attends, je vais demander. Et il y a un de ses potes qui a accepté. Et tu sais, dans les comics VO, tu avais toujours à l'époque une espèce de petite souche à découper. Ouais. Vu que tu remplissais, tu disais, je crois que c'était une espèce d'offre pour 7 comics ou 5 comics pour le prix de 3 ou un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais. Et tu t'abonnes pour 1 an, ou enfin, tu t'abonnes pour 6 mois, 1 an, 2 ans, je sais plus. Bah, t'avais les mêmes offres dans les Strange, les Nova. Oui, bah oui. Et donc, j'ai fait ça quand j'avais 16 ans. Enfin, le mec a accepté. Et je crois de 16 à 18 ans, j'étais abonné pendant 2 ans. Et j'étais abonné à le Hulk dessiné par John Byrne, les Fantastiques dessinés par John Byrne, ouais. X-Factor. Le début de X-Factor, les X-Men par John Romita Jr., Daredevil par John Romita Jr., Alpha Flight, la division Alpha. Ouais. Ouais, j'en avais 6. Ah, ça va pas mal déjà. Hein. Bah, et puis attends, mais bon, ce qui était rigolo, c'est que donc c'était des fascicules, c'était un abonnement par fascicule, et c'était envoyé par avion, et parfois, je recevais pas mon exemplaire pendant 2 mois, après, je recevais mon exemplaire en double ou en triple. Ah ouais. Parfois, il était plié, parfois, il était déchiré. Enfin, c'était la roulette russe, quoi, avec des comics américains. Mais c'était génial en même temps, parce que bon, je savais jamais ce que j'allais recevoir, je savais même pas si j'allais le recevoir. Bon, évidemment, ce qui me tue, c'est que j'ai tout revendu. Ouais. Et j'ai tout revendu, j'ai envie de dire, à perte, parce que bon, maintenant, je suis en train de me racheter justement tous les X-Men par John Romita Jr., les Daredevil par John Romita Jr., et je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'étais con de tout revendre. Et c'est souvent des bah, enfin, y en a plein qui ont fait ça, qui ont revendu des collections de jeunesse, et puis souvent, en fait, des années plus tard, ils le regrettaient. Mais il y avait beaucoup ça, moi je trouve, à mon époque, et peut-être aussi à la tienne, l'idée que ouais, mais quand tu seras grand, tout ça, bah, en fait, c'est pas qu'on n'aurait plus le droit, enfin ouais, on n'aurait plus le droit en fait de les avoir. Tu devais, d'une certaine manière, laisser tes passions et tes amours de jeunesse pour rentrer dans la vie d'homme, quoi. Tu pouvais pas garder des figurines, tu pouvais pas garder des BD, non, il fallait qu'il y ait une coupure. Enfin, moi j'étais vraiment élevé, en fait, si tu veux, un petit peu dans cette idée-là, que quand tu seras plus grand, bah tout ça, bah ouais, en fait, ça t'intéressera plus, ou tu pourras plus les lire, enfin voilà. Il y avait vraiment cette idée-là. Je ne sais pas si toi, il y avait ça aussi. Tout à fait. Et en fait, à un moment, j'avais 12 ans, ma mère a pris tous mes comics, a tout foutu à la poubelle. Ah ouais, c'est violent. Ah ouais, non, j'étais légèrement en colère ce jour-là. Mais moi-même, je crois, quand j'avais 15 ans, je me suis... Enfin, j'ai eu cette coupure à 12 ans, j'ai eu une coupure à 15 ans, parce que je découvrais les choses de la vie, tout ça. Donc évidemment, les Strange, ça m'intéresse au moins. Tu sais, alors après, c'est le jeu, hein, mais parce que bah, j'invite... Pour l'instant, c'est vrai que j'invite, entre guillemets, tu vois, des gens qui me ressemblent, on est à peu près dans la même tranche d'âge. Bah, pour l'instant, c'est que des hommes, mais en même temps, j'ai pas non plus 150 000 femmes loin de là autour de moi qui lisent des comics et que j'ai pas déjà invité pour dans d'autres émissions. Donc, enfin, voilà. Et à chaque fois, putain, tous les mecs, ils me sortent la même chose. Oui, vers les 16-17 ans, j'ai eu une petite coupure. Ouais. On a tous eu la même de coupure, d'accord. Je vois bien ce que c'était. D'un coup, notre argent, là, il était limité et on devait le mettre ailleurs et on avait des intérêts qui venaient de changer brusquement. C'est bizarre, la vie. Hein. C'est étrange, quand même. C'est dingue. Alors, je sais pas si c'est la vie qui est bizarre ou si c'est les hormones qui sont bien faites. Mais à mon avis, tu vois, il y a un truc à creuser. Il y a un lien de cause à effet, mais bon. Et si je voulais te demander un truc, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a... qui m'a toujours vachement intéressé en fait dans ton parcours. Comme tu le disais, il y a un moment donné, tu es passé à la VO. Et c'est en discutant aussi avec toi que ça... Alors, j'ai pas fait un passage à la VO, mais je me suis mis à lire un petit peu de VO, à déchiffrer de la VO. Et je t'avais souvent demandé en fait, bah, du coup, comment toi, bah, t'avais fait ce passage à la VO et qui n'était pas forcément inné et acquis d'avance. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment tu as fait ce passage? En fait, il s'est fait en plusieurs étapes. Je crois que quand j'ai eu 10 ans, j'ai un de mes petits camarades de classe qui est parti en Angleterre, je sais plus, pour des vacances ou un truc comme ça. Et quand il est revenu, il avait, je crois, c'était deux numéros des Vengeurs dessinés par John Byrne, une fois de plus. Quand les Vengeurs se retrouvent à Vundagore, quand on apprend que la Sorcière Rouge et Pietro sont les enfants de Magneto. Ah, ça, c'est des épisodes que j'ai pas lus, tu vois. Je connais un peu Oh là là. l'histoire, mais ça, je les ai pas Bon, lus. écoute, je vais te laisser 5 minutes, hein. On arrête la vidéo. Et en fait, le mec, je lui ai échangé, parce que je ne sais plus comment ça se faisait, mais je savais déjà à l'époque qu'il y avait des comics qui existaient. C'était des créatures bizarres qui existaient en Amérique. Je n'en avais jamais vu, mais je savais que ça existait. Et donc, quand l'autre, enfin, copain, quand il a ramené ces deux comics, je sais plus, je lui ai échangé ça contre 5 Strange ou un truc comme ça, quoi. Parce que je les voulais, quoi. Je voulais Ouais. absolument avoir des VO, des comics VO. Mais j'étais incapable de les lire. Et je veux dire qu'à l'époque, donc c'était 78, 79, un truc comme ça, les comics des Vengeurs qui étaient traduits en France, ça devait dater de 75, ou, enfin, tu sais, il y avait un tel décalage, j'avais aucune idée de quand ça serait traduit en français, quoi. Je sais même pas si ça serait traduit en français. Mais je les voulais. Donc ça a été ma première approche. Après, comme je te l'avais dit, plutôt, bon, j'habitais donc au Luxembourg, ce qui fait que j'avais surtout des comics en allemand, des traductions en allemand. Putain, Et en fait, Spider-Man en allemand, ça doit être un truc de fou. ben c'est ça. Et ça s'appelle Die Spinne. Et les Vengeurs, c'est Die Reicher. Ah ouais. En fait, ils traduisaient que ça. Et sous le nom de l'araignée, donc ils mettaient à la fois les Amazing Spider-Man, Peter Parker, Spectacular Spider-Man, enfin, il regroupait tout. Et je me souviens, je te parlais aussi de Iron Fist, j'ai lu la fin de Iron Fist, qui est traduite dans des Marvel Team-Up, quand Iron Fist s'associe à l'araignée, qui elle-même s'associe après aux Sœurs du Dragon, pour combattre Davos. Ouais. Et ça, je l'ai lu d'abord en traduction allemande, parce que j'avais pas les Titans qui correspondaient. Et bon, parce que j'étais à l'école au Luxembourg surtout, puis après en France, je parlais mieux allemand que je ne parlais anglais. Et à l'époque, ça ne voulait pas dire grand-chose. Ouais. Mais j'avais déjà pris l'habitude de traduire comme ça, de traduire de l'allemand vers le français. Donc après, traduire de l'anglais vers le français, j'avais déjà l'état d'esprit pour le faire. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je l'avais raconté une fois dans une de mes vidéos. J'ai jamais su pourquoi, mais en 1982, on a été dans les Charentes, dans l'île d'Oléron. Mon père avait un petit bungalow là-bas, et c'était vraiment un petit bungalow, hein, c'est pas une résidence secondaire. Mais on y allait pour les vacances, pour les grandes vacances. Et j'ai jamais su pourquoi, mais dans une des villes de l'île d'Oléron, il y a eu pendant 3 semaines d'affilée, chaque semaine, pendant 4 semaines d'affilée, pardon, chaque semaine, il y a eu un comics VO. Il y a eu un D'accord. épisode de Hulk que j'ai complètement oublié malheureusement. Il y a eu un épisode de Peter Parker, Spectacular Spider-Man, où c'est le Punisseur qui passe au tribunal. Il y a eu un épisode de Deathlok, enfin de Captain America contre Deathlok. Et il y a eu un épisode des Quatre Fantastiques dessiné par John Byrne, où il se marave avec Tyros et avec le Surfeur d'Argent. Ouais. Et ben ça, tu Et vois, le Tyros et le surfeur d'argent, ça fait partie d'une de mes toutes premières claques comics et qui m'ont fait mais tomber amoureux des quatre fantastiques. je comprends, parce qu'en plus, c'est un épisode qui est absolument fabuleux. Mais ces quatre histoires étaient, je crois, les premiers comics VO que j'ai achetés en live. Voilà. Donc, je les ai achetés au moment de leur sortie. Parce qu'après, j'ai eu beaucoup d'autres comics que j'ai achetés chez les bouquinistes. Mais c'était des vieux numéros. Et je pense que ces comics-là, ces quatre-là, je les ai lus, relus, sur-relus. Avec mon dictionnaire. J'avais le dictionnaire à côté, et quasiment mot par mot, je disais, qu'est-ce qu'ils veulent dire là? Qu'est-ce qu'ils veulent dire là? Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Ben, après, ce que j'ai fait, c'est que j'étais, je crois que c'était le boulevard Saint-Michel, à Paris, il y avait des sur les quais de la Seine, au boulevard Saint-Michel, il y avait des bouquinistes, et j'allais là-bas, j'ai acheté des comics, donc des vieux comics, et je les lisais, je comparais, j'ouvrais mon Strange à la page numéro 1, j'ouvrais mon comics à la page numéro 1, et puis je lisais case par case, et je comparais case par case. Et c'est Et là j'ai où fait tu ça t'es pendant deux. aperçu qu'il y avait des gros soucis, il y avait des morceaux qui étaient bien charcutés. Ben, non seulement ça, mais je me suis aussi rendu compte que les traductions, comment dire, parce que les traductions de Lug, les bulles étaient plus grosses et le texte était plus gros. Les traducteurs mettaient moins de texte que dans le texte original de la VO. D'accord, c'était Et plus concentré. c'était à la fois plus concentré et c'était aussi. Il y avait des fois, c'était comment dire, c'était politique. C'est-à-dire que par exemple, il voulait pas parler de la guerre du Vietnam avec Iron Man, donc il disait juste la guerre, pour dire la guerre du Vietnam. Tu vois, D'accord. c'était des détails, mais enfin, pour moi, c'est de l'importance. Parce que je me disais, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tout traduit? Et c'est quelque chose. Plus ça a été, plus j'ai détesté lire de la version française. C'est-à-dire que plus ma compréhension de la VO augmentait. Plus j'étais vraiment ennuyé par les partis pris des traducteurs des versions françaises, que ce soit Lug ou Arédi ou les autres. Ouais, mais ça, je comprends Parce que tout à fait. je me disais, pourquoi est-ce qu'ils ont traduit ça comme ça? Moi, je l'aurais traduit autrement. Et il m'a fallu aussi des années. Après, je me suis mis à lire des livres, parce que je me suis rendu compte, je ne sais plus comment j'ai fait ça, je crois que c'était avec Stephen King. J'ai lu un Stephen King en français, je l'ai lu en anglais, et je me suis dit, mais attends, il manque plein de pages, il y a plein de chapitres ou des bouts de chapitres qui ont été effacés. Et c'était pareil avec Dean Koontz. Dean Koontz, c'est un auteur qui est moins célèbre en France. En Amérique, il est quasiment l'équivalent de Stephen King. Il y a eu plein de bouquins qui ont été traduits en français. Et c'est pareil, je me suis dit, mais là, il manque des passages entiers. Et ça, comment dire, ça ne gâche pas l'histoire, mais ça. Ces passages enrichissaient l'histoire. Donc de ne pas les avoir, ça ne t'empêche pas de comprendre ce qui se passe, mais ça te donne une histoire un peu plus creuse, un peu plus vide de sens. Ça participe à Et l'immersion, quoi, le fait d'avoir ça. voilà. Et bon, il m'a fallu longtemps, hein, ça m'a pris peut-être 20 ans en tout, mais maintenant, de la même façon, je lis un auteur français en français, je lis un auteur anglais ou américain en anglais. Je ne vais pas lire une traduction. Ah, tu m'étonnes. Il veut pas dire que je vais comprendre tout. Et des fois, je sors encore mon, j'allais dire mon Becherel, je sors encore mon dictionnaire parce que je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il dit là? Mais ça devient plus rare. Et puis de la même façon, bon, bah, il y a des fois aussi en français, je sors mon dictionnaire parce que bon, le mec il utilise des mots, des expressions que je ne comprends pas, ou il parle de choses que je ne suis pas familier avec. Mais ouais, maintenant je lis dans la langue originale. Et Voilà. juste une question qui n'a rien à voir, mais qui me vient comme ça. Et t'as jamais essayé bah du coup, parce que t'as quand même un putain de bon niveau, de bosser dans la traduction de comics, ou de bande dessinée, ou... En fait, alors, il y a un truc que ma mère m'a toujours reproché. Ah, reproché. Elle m'a toujours dit, comment quelqu'un qui lit autant peut être aussi mauvais en grammaire? Et moi, je lui ai toujours répondu, et parce que je lis pour mon plaisir, pas pour apprendre. Enfin, pas pour apprendre comment écrire. Il fait que, ouais, non, j'adore lire. Mais mon niveau grammaire est assez minable. Ce qui fait que si je traduis, il va falloir que quelqu'un repasse derrière moi pour enlever mes fautes. Donc, c'est pas tellement intéressant pour un éditeur, quoi. Ouais, s'il faut embaucher deux mecs, c'est compliqué, quoi, du coup. Ouais, Voilà. je comprends. Ouais, mais après, enfin, ça peut être intéressant parce que, enfin, oui, il y en a quand même. Tu sais, Honnêtement, je pense qu'il y aura un truc à faire. Mais j'ai déjà pensé, enfin, franchement, j'ai pas pensé à le faire pour les bandes dessinées, parce que c'est trop compliqué, c'est trop contraignant. Justement, ce truc avec les bulles qui sont tellement petites, tu es obligé de faire des choix scénaristiques, des choix artistiques. Et je préférais vraiment traduire un livre. C'est quelque chose, j'y ai beaucoup pensé. Et justement, tu vois, c'est quelque chose aussi que je déteste avec les traductions, parce que, bon, en Amérique, tu as je lis des auteurs qui écrivent quasiment un roman par an. qui fait qu'au bout de 10 ans, ils vont dire roman, 15 ans, 15 romans, etc. Et tu ne peux pas avoir un traducteur qui va traduire 10 bouquins. Je ne sais pas pourquoi, en fait. J'ai l'impression que les traducteurs, ils s'épuisent après avoir traduit un livre. Ouais. J'ai remarqué que quand tu as des séries, justement, chez Fleuve Noir, j'ai lu ce genre de trucs, quand tu as des séries qui sont écrites par un auteur, ou même les Stephen King, simplement, Stephen King, il a écrit 100 bouquins, 200 bouquins, tu n'as pas un traducteur, tu as 100 traducteurs ou 200 traducteurs. Tu as un traducteur différent par livre. Ce qui fait que chaque livre traduit le lit d'une façon différente, parce que chaque traducteur a son propre bagage et sa propre culture, sa propre façon de formuler les choses. On peut pas dire que Et de les l'une est comprendre. meilleure que l'autre, mais c'est juste différent. Mais ce qui fait que c'est chiant, c'est vraiment chiant pour moi en tant que lecteur, parce que je n'arrive pas, quand je lis en France, quand je lis une traduction française, je n'arrive pas à retrouver un style. Alors que quand je lis en anglais, ah bah ouais, le mec, il a des tournures de phrases, des façons d'écrire, des façons de raccourcir des phrases qui font que c'est son style d'écriture. Et ça se perd complètement dans la traduction, spécialement parce que donc tu auras 15, 20, 30, 50 personnes différentes qui vont traduire 15, 20, 30 bouquins écrits par la même personne. Et tu vois, ça c'est un truc aussi qui m'avait beaucoup marqué quand j'ai lu les Immortal Hulk en VO. Il y a un moment donné, c'est au tout début de la série, en fait, il y a deux personnages qui tournent un tout petit peu pour faire une enquête à propos de Hulk. Et ils se rendent en fait dans un coin de l'Amérique, et notamment, tu vois, dans un bar un peu mal famé. Et d'un coup, j'ai vu les bulles, les textes, les expressions, mais complètement changées. Et vraiment, d'un coup, bah, t'avais Halloween qui faisait vraiment, bah, je sais pas si c'est de l'argot, mais qui employait voilà, vraiment une manière de parler, mais ouais, de la rue, quoi. Et quand tu lis en fait la VF, tu vois qu'il y a eu l'idée, l'intention un petit peu de reproduire ça, mais ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Quand je l'ai lu en fait en VO, bah déjà j'ai galéré 5 minutes parce que c'était très compliqué avec plein de mots qui sont raccourcis, coupés, des trucs que tu trouvais même pas forcément les significations immédiates. T'étais plus dans la compréhension de ce que t'étais en train de lire d'une manière générale plutôt que de trouver une signification concrète sur Internet. Mais au moins, par contre, j'avais vraiment le sentiment, enfin, j'avais vraiment ouais, une meilleure immersion, quoi. Pendant ces 2-3 pages, dans ce bar mal famé, j'étais vraiment dans un coin mal famé des États-Unis. C'était vraiment, vraiment super bien, quoi, à lire. Bah, c'est clair. Et c'est pareil, je veux dire, quand tu regardes un film ou une série télé, quand tu as la traduction française, tu perds forcément quelque chose. Ne serait-ce que l'accent, parce que bon, les acteurs américains, s'ils sont bons, vont essayer de prendre un accent. Ils vont parler comme des pecnos ou comme des citadins ou tu vois et ça l'acteur français qui va doubler ne va pas forcément le faire. Ouais, c'est clair. D'un côté, quand tu as aussi les traductions qui sont géniales, comme ce qui s'est passé dans les années 70-80 avec Starsky Hutch. Starsky Hutch, 99% du succès de la série en France repose sur le talent des acteurs qui faisaient n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais ouais, les doubleurs. Ouais. Il surjouait, il rajoutait des mots, il rajoutait des expressions, il s'éclatait. Et c'est un truc qui s'est passé uniquement dans le courant des années. Parce que c'était pas encore figé avec les lois copyright, avec. Il y avait pas trop. Ils avaient une certaine liberté. Et Starsky Hutch, Chips, toutes ces séries américaines. Chips, les mecs s'éclataient. Et tu le sens, quoi. Tu t'amuses quand tu vois ces séries. Alors que maintenant, c'est impossible à faire. Enfin, c'est impossible à faire. Tu vois ce que c'est, Ken le survivant? Ouais, enfin, j'ai vu des bandes annonces, mais j'ai jamais regardé. Enfin, oui, je connais. Et ben, c'était le mec, en fait, le héros, il pratique les arts martiaux, hein, dans un monde à la Mad Max, et son école, en fait, c'est le Hokuto. Et la traduction française, je crois que c'est la pire, en fait, de toute l'histoire des traductions de manga. Parce que les traducteurs, je pense qu'ils en avaient tellement rien à faire de ce qu'ils étaient en train de faire, et ils étaient tellement en train de traduire des trucs au kilomètre, qu'ils faisaient de la merde, mais dans les traductions, mais c'était incroyable. Et ils faisaient que des jeux de mots avec le mot « au couteau ». C'était « je vais t'attaquer avec mon haut couteau de cuisine, mon haut couteau à pain, mon... » Oh là là là là là là. mais catastrophique, catastrophique. Et on était gamins et on n'y prêtait absolument pas attention et on était comme des dingues parce qu'on voyait des crânes éclatés, etc. quoi. Les traductions. Et Tiens, bah attends, vas-y. je vais juste rebondir là-dessus. Un truc, bon, l'un de mes dadas, c'est de cracher sur Lug et sa censure. Ouais. Et ce que tu viens de dire, en fait, ça me fait penser. Donc, quand j'étais jeune, quand j'ai découvert donc les Stranges, c'était les années 78, 78-80, où j'ai envie de dire que ça commençait à se durcir un petit peu. Donc, tu avais des personnages comme le Punisseur qui ont été introduits à cette époque-là. Mais quand j'ai acheté des vieux Stranges, donc c'était la période John Romita Senior qui dessinait l'araignée, il y avait George Tuska sur Iron Man, Jan Kolan sur Daredevil, ce genre de truc. Donc tu avais une certaine violence graphique. Quand ils se mettaient des pains, des bourre-pifs, tout ça, bon, ça. Parfois, c'était les images pouvaient être violentes. Mais à chaque fois, donc Lug enlevait les onomatopées. Ouais. Lug enlevait les explosions, ou les traits suggérant qu'il y avait un impact. Donc, il m'a fallu des années avant de lire des VO de cette époque-là. Et j'en veux encore plus à mort à Lug, parce que c'était Stan Lee qui faisait les bruitages, qui mettait les onomatopées. Et c'était des onomatopées ridicules. Mais en plus, les onomatopées dédramatisaient l'action. Il m'a fallu des années justement pour comprendre ça, parce que c'était des bruitages du style Zoc, Ouais. ou. Kaboom. Et Zoc, en fait, c'est pif, paf, pouf. T'imagines Daredevil mettant un bourre-pif dans la gueule du gladiateur et t'as un gros pif. Ouais, c'est nul. Tu vois, c'est nul, c'est ridicule, mais en même temps, ça dédramatise le coup de poing qui pourrait être violent. Ouais. Alors que Lug n'a même pas eu cette démarche de le laisser, justement, ou de traduire l'onomatopée. Ils l'ont enlevé, carrément. Enfin, ça prouve vraiment, à mes yeux, c'est vraiment la preuve ultime que la censure est toujours ridicule. Ah bref, voilà. Ça, je suis bien C'était. d'accord avec toi. Et bah surtout qu'en plus, il devait quand même se faire chier, mais au possible, à enlever ça à Oh, chaque fois, quoi. Ça devait être un travail de titan, mais. Ben, non seulement il l'enlevait, mais en plus il devait redessiner en dessous hein. Ouais. pour reconstruire ce qui manquait. Enfin, quel boulot, quoi. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc que je voulais te dire. Mais du coup, alors, je sais pas si les gens connaissent le magazine Scarce, je sais jamais comment on dit. Que moi je connaissais pas, c'est toi qui me l'as fait découvrir, à force de conseils, De rien, c'est enfin d'ordre, hein, on est sur de l'injonction, hein, au bout d'un moment, hein, tellement tu m'as dit d'aller voir, et j'ai sauté le pas, bah, il n'y a pas tellement longtemps, et là du coup j'ai pris une petite formule d'abonnement, et du coup, félicitations. oui, j'étais très content, c'est vraiment super bien, hein, ce magazine, hein, pour les passionnés de comics, putain, ce truc est génial. Et j'ai reçu en fait, j'avais fait une commande donc du coup pour l'abonnement et en même temps tu pouvais tu vois t'acheter quelques numéros qu'ils avaient encore en stock des pré enfin Oui. qu'il y avait quelques années et donc du coup j'ai fait une petite commande comme ça et dans ma commande ils m'ont envoyé un cadeau ni plus ni moins voilà c'était pas je présume pas prévu, et je me suis, tu vois, posé un peu la question, tu vois, au début de savoir ce que c'était, et je disais, putain, mais c'est bizarre ce truc. Et en fait, c'était un comics VO de Iron Man, à l'époque où il a l'armure Silver Centurion. Et ce comics VO, putain, c'était écrit, en fait, à l'intérieur. C'est, enfin, tu vois, c'était bizarre, c'est-à-dire que toutes les cases, les bulles, tu vois, tout était un petit peu numéroté. Et je me suis demandé, tu vois, ce que c'était, et à l'intérieur, il m'avait glissé un petit fascicule qui expliquait, en fait, comment Lug travaillait pour proposer, en fait, les traductions et ce genre de choses, et Wow. comment il faisait. Et ils m'ont envoyé un magazine. Ben, un magazine, une issue, un exemplaire originel qui a servi en fait à la traduction sur les premières étapes, tu vois, où ils faisaient, eh ben, ils annotaient les cases, tu vois, sur chaque page, ils disaient, bah là, il y a 7 bulles, bah là, il y a 9 bulles, etc. Et ils m'ont Ouais, envoyé ouais. ça, quoi. Et ça m'a mis Wow, ça sur le c'est cul. cool. Et donc, du coup, eh ben, j'ai le magazine en VO qui a à un moment donné servi pour Iron Man à la traduction, et dans ma bibliothèque, eh ben, j'ai le Nova, parce qu'à l'époque c'était encore dans les Nova, où il y a cet épisode-là. Alors c'est que dalle, tu vas me Bien. dire, tu vois, mais ça me fait super plaisir. Et c'est Tu m'étonnes. un petit bijou voilà, que je mets de côté. Et je les ai vraiment, enfin, voilà, je les ai vraiment remerciés parce que pour moi qui ai commencé les comics à cette époque-là, avoir un truc qui a participé à un moment donné à la création et de savoir que les gens qui ont travaillé chez Lug, voilà, c'est passé entre leurs mains, putain, ça peut paraître que dalle, ça vaut peut-être rien du tout, mais alors moi, ça m'a fait un plaisir immense, quoi. Voilà. Et Eh donc, bien, merci, G, bravo. de m'avoir partagé ce bon conseil, de me mettre à Skers. Eh bien, merci à l'équipe de Skers et puis de t'avoir envoyé ça. Et félicitations. Et j'attends ta vidéo avec impatience. Le mec, il me met des coups de pression. Alors, je sais pas, hein, la vidéo, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour faire des vidéos, mais en plus, c'est pas du tout impossible que j'en reparle de Skers en vidéo, parce que dans les exemplaires que j'ai achetés, il y en avait un qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. C'était un exemplaire qui revenait, il y avait un gros dossier sur la JLA. Et c'était dans un moment où je lisais la JLA de Grant Morrison. Et un dossier sur l'histoire de la JLA, enfin putain voilà, enfin, c'est un truc de fou quoi. Le boulot qu'il y a derrière pour retracer en, je sais pas, 8-9 pages l'histoire de la JLA, ses moments marquants, les personnes qui ont travaillé dessus, enfin c'est ouais, une encyclopédie du comics quoi. Enfin le truc génial. Et je peux faire, pardon, je peux faire une digression sur Scars. Bien sûr. Alors, c'était Grey Pigeon dans ta. Enfin, j'ai écouté votre podcast avec Grey Pigeon récemment, Oui. où vous parlez tous les deux de Scars. Et en fait, Grey Pigeon disait que on ne peut pas trouver Scars en librairie. Et je voulais réagir là-dessus en vidéo, enfin vidéo, en podcast, parce que, bon, moi, à l'époque, je l'ai découvert en librairie. Et d'après ce que j'ai compris, ils publient toujours en librairie à l'heure actuelle, mais ce sont des librairies, j'ai envie de dire, spécialisées, où, bon, c'est pas, ils ne couvrent pas toute la France, ça c'est clair, mais ils ont des points de vente en librairie. Maintenant, je ne sais pas Je te dirais des quelle bêtises. librairie. J'en ai pas la Pardon? moindre idée. Je te dirais des bêtises. Je sais que moi, j'en ai jamais vu en librairie, ça c'est sûr. Et en fait, ce que je voulais raconter aussi, c'est que quand je l'ai découvert, j'ai eu un coup de bol monstrueux. J'étais à Nancy à l'époque. Je préparais un CAP d'imprimeur. C'était en 85, 86. Et il y a une librairie qui s'appelle La Parenthèse à Nancy, qui est super célèbre. Et quand j'en ai parlé sur des groupes Facebook, les mecs m'ont dit qu'elle existe toujours. Et quelque part, me fait très plaisir. C'était un espèce de temple. C'était un peu la Fnac. Ouais. Sauf que c'était la Fnac sans être un groupe qui a des succursales dans toute la France. Donc c'était juste la parenthèse à Nancy. Et si je me souviens bien, le rez-de-chaussée, enfin, ou le sous-sol, c'était les disques. Le premier niveau, c'était les bouquins et les BD. Et le deuxième niveau, c'était les livres d'art ou un truc comme ça. Et donc, bon, moi, j'allais uniquement au premier niveau. Et j'ai découvert. À un moment, je rentre dans le magasin et je vois à droite un espèce. Ils avaient un petit présentoir où il y avait tout un bac de magazines, magazines photocopiés, donc des espèces de fanzines. Et au milieu de ça, il y avait un dessin de Joe Kubert. Donc Joe Kubert, c'est le gars qui a dessiné surtout Sergent Rock pour DC et toutes les histoires de guerre pour DC, mais qui a fait aussi des histoires d'horreur aussi pour DC. Et la couverture, donc, c'était une femme qui est effrayée et il y a son visage à gauche et à droite, il y a un mur avec un couteau qui est planté par une main masculine. Donc, comme si le type essayait de poignarder la femme, quoi. Et bon, moi, je n'aimais pas du tout Joe Kubert, donc j'ai vu cette couverture pendant des semaines. Et puis, à un moment, je me suis retrouvé, j'avais un peu d'argent d'avance, si on peut dire. J'avais acheté tous les BD que je voulais acheter. Et puis je vois toujours ce scare, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis bon, Joe Kubert, d'accord, mais bon, allez, s'entendons pas, et je sais plus, c'était 20 balles à l'époque, 20 francs. Et donc, 20 centimes d'euros, un machin comme ça, quoi. Et je me dis, bon, allez, je vais le prendre. Et donc, c'était le numéro 7 de Scarce, qui a été le premier et le dernier de son genre. C'est-à-dire que celui-là avait une couverture couleur et était cartonné en dur. D'accord. Et dans ce numéro 7, ils expliquent en fait que, en fait, tu as les journalistes, enfin, les personnes qui écrivent dedans, qui se tirent la bourre. C'est assez hallucinant à lire, quoi. Les mecs se tapent sur la gueule d'une rubrique à l'autre. Et en fait, donc le numéro 7, ça a été la fin de la première série de Scarce. Après ça, bon, le groupe a explosé. Ils sont tous partis dans une direction différente. Et puis, je crois que ça a pris 3 ans ou 4 ans avant qu'il y ait un numéro 8, avec une nouvelle équipe. Et moi, je suis arrivé juste au moment, justement, où, je crois, un mois après que j'ai acheté mon numéro 7, il y a eu le numéro 8. Et le numéro 8 a été un spécial Dark Knight, Frank Miller. Le numéro 9, c'était le nouveau mutant par Sam Kivik, un truc comme ça, quoi. Donc, ils ont fait des numéros 8, 9, 10, très tape à l'œil, pour accrocher le public. Et le numéro 7 était un numéro où il parlait, je crois que c'était Deadman par Neil Adams. Ok. Il y avait Joe Kubert, donc sa vie, son œuvre, enfin, des trucs. Bon, Deadman par Neil Adams, c'est quand même célèbre, mais c'était pas la couverture. Et ils avaient un côté un petit peu élitiste avec leur première série de numéros. Et avec la deuxième série de numéros, ils se sont plus tournés vers le grand public. Et je crois qu'actuellement, ils sont dans leur troisième série. En fait, si tu vas sur Facebook, donc si tu vas sur Scarce Facebook, le rédacteur en chef explique tout ça plus en détail et beaucoup mieux que je ne peux le faire actuellement. Mais j'ai eu un coup de bol monstrueux, quoi, parce que le numéro 7 m'a... Ce qui m'a plu avec le numéro 7, ça a été ce que tu as dit exactement avec GLA, c'est-à-dire que les mecs avaient... Et ils ont toujours eu cette... Quelle que soit, j'ai envie de dire, la personne qui écrit, ils ont toujours eu cette faculté à te fournir toutes les informations sur une série, sur un personnage, et aussi bien donc la vie, l'œuvre du personnage, que en VO et en VF. Et je me souviens que, bon, c'était avant Internet, hein, les mecs, ils avaient, je crois que c'était pour les Défenseurs, ils avaient tous les éclipsos qui étaient listés, avec tous les épisodes des Défenseurs dedans. Pareil pour Maître de Kung Fu. Enfin, il y a un travail de fourmi au niveau de la recherche, mais c'est hallucinant, quoi. Et je comprends que c'est aussi ça a un côté un petit peu aride. C'est pareil, il y a pas des belles images. Enfin, c'est pas des images qui flashent, hein, parce que c'est du noir et blanc. Il y a énormément de texte. Bah, parce que c'est un magazine texte. Franchement, c'est pas sexy comme magazine. Voilà, c'est pas sexy, mais c'est super efficace. Mais c'est pas fait pour. Voilà, c'est pas fait pour être sexy, mais par contre, voilà, c'est une mine d'informations. Et si tu recherches des informations sur un personnage, sur une série, sur un artiste, ouais, Scarce, c'est un incontournable. Et puis même, par contre, même si tu cherches pas l'info, parce que si ça, là, tu vois, t'as un dossier qui vient de sortir là sur Tom King. Mais même si tu vois, enfin, j'aime bien Tom King sur pas mal de trucs, mais ça permet vraiment de, à un moment donné, de faire un focus sur sa vie, son œuvre, qui il est. T'as des interviews d'auteurs, t'iras trouver des interviews d'auteurs, il n'y en a pas forcément 150 000, et vraiment. Je sais pas si on peut dire que c'est élitiste dans le sens où c'est sûr et certain, tu vois, c'est pas un magazine que tu vas filer entre les mains de quelqu'un qui te pose la question, oh, putain, mais pourquoi je pourrais commencer les comics? Tu vas pas lui filer un comics et le magazine Scarce. Enfin, je trouve que ce serait complètement déconnant. Mais il y a quand même une foule et une multitude de gens qui, comme moi, comme toi, on est passionnés des comics et qui connaissent pas Scarce. Et j'avoue que c'est super intéressant d'avoir un magazine comme ça qui te permette, tu vois, d'aller un tout petit peu plus loin que le comics et de savoir comment il est construit, par qui, l'industrie, les références, le truc est d'une richesse, mais c'est hallucinant, quoi, vraiment. C'est pour ça qu'en fait, bon, à mon humble niveau, j'essaye le plus possible de parler d'eux. Parce que je sais aussi que les gens, moi-même, quand on me dit quelque chose, quand on me parle de quelque chose, que je ne connais pas, je ne vais pas le retenir la première fois. Par contre, si on me parle régulièrement de quelque chose que je ne connais pas, la deuxième fois, la troisième fois, je me dis « Attends, ce nom-là me dit quelque chose. » Tu vois ? Et puis, c'est la répétition qui fait qu'au bout d'un moment, ça me paraît familier. Au bout d'un moment, je peux me dire « Tiens, je vais peut-être essayer ce truc. » Parce que ça a l'air vraiment bien, il n'arrête pas d'en parler, etc. Quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire à mon niveau. Parce que, exactement ce que tu as dit, je pense que pour les gens de notre génération ou de générations plus jeunes comme la tienne, C'est très intéressant. Plus jeune, plus jeune. Ah ouais, effectivement, plus jeune, mais enfin, on n'a plus 20 ans, hein. Ouh là Ah bah non, c'est clair. Hein. non. Et dis donc, on a fait une belle digression, hein. Parce que là, pour l'instant, alors tu sais que moi, j'ai une liste de questions. Combien d'heures on a Alors là? là, on est à peu près à, que je te dise pas de bêtises, on est à peu près à 1 heure d'émission. Et tu sais combien je t'ai posé de questions? Une. Une. Mais il y avait trois parties dedans. ouais, puis on est parti loin, mais c'est ça qui est cool, tu vois. Enfin, les questions en elles-mêmes, c'est comment dire, c'est un chemin, c'est des jalons sur le chemin de l'émission. On n'est pas obligé de, bah, voilà, de s'y raccrocher à chaque fois. Et il y en a qui peuvent sauter, on s'en fout. C'était vachement intéressant de parler de tout ça. Mais on va quand même, mais du coup, je dis ça, on va quand même revenir sur les questions. Alors moi, c'est un truc que je dis que je dis à chaque émission, mais c'est vrai que l'enfance, l'adolescence, les premières années, on va dire, de vie d'homme, c'est vraiment des périodes qui sont hyper importantes et des périodes de construction. Et est-ce que dans ces périodes-là, adolescence, jeune homme, est-ce que tu as eu des lectures, même si c'est pas forcément des comics, qui ont été marquantes, fondatrices, impactantes pour toi dans l'homme que tu es devenu plus tard? Je ne sais déjà pas si je suis un homme maintenant, donc je suis toujours un. Dans mon cœur, j'ai toujours 10 ans, quoi. Donc Oui, c'est mais même. on va pas se mentir. On en parlait il y a 2 minutes. Ouais, il y a le cœur, tu vois, il y a le cœur. Ouais, mais on va pas se mentir quand même. Aucun respect, ces jeunes. Non, alors, en fait, oui. Parce que moi, ça me fait rire, enfin, ça me fait rire, ça me fait halluciner en fait. Quand j'entends des mecs qui disent ouais, alors moi je connais pas Watchmen, V pour Vendetta, Dark Knight, j'ai jamais lu, j'ai entendu parler. Parce que j'ai lu ça, Ça j'avais sortait. 17 ans, 18 ans. Ouais. Et 1986, ça a été une année, mais j'ai découvert Zenda, l'éditeur Zenda qui a publié Dark Knight Returns. Enfin, ils ont été les deuxièmes, parce que le premier, maintenant j'ai oublié le nom de l'éditeur, il avait publié ça avec un. Je me souviens que c'était en deux comics, enfin deux albums, il y avait un contour bleu. Et Zenda publiait en format BD européenne, enfin BD franco-belge. Eux, ils ont publié les uns après les autres, hein. Donc Dark Knight Returns, Watchmen, V pour Vendetta, et puis de Frank Miller, le Give Me Liberty, dessiné par Dave Gibbons. Donc le mec de Watchmen, l'artiste de Watchmen. Donc ça, c'est sorti entre 86 et 90, donc quand j'avais entre 17 et 20 ans. Donc c'était vraiment. Les comics sont devenus adultes en même temps que moi, je devenais adulte. Ouais. Et c'est aussi le moment où j'ai complètement arrêté les comics VF. Et j'ai aussi arrêté après ça les comics VO. Parce que j'ai. Bon, après, je suis parti à l'armée. J'ai dû faire mon service militaire, je fais partie des derniers appelés du contingent. Après, je crois que c'était 1 an ou 2 ans après moi, ils ont arrêté d'appeler les pauvres petits Français. Et puis, ils ont juste pris des volontaires. Ouais. Mais donc, j'ai fait mon temps, comme on disait à l'époque. Et quand je suis revenu de là-bas, je me suis mis à travailler. J'avais 24 ans. Et, enfin, disons que bon, je travaillais avant, quoi, mais là, je me suis mis vraiment uniquement à travailler. Et j'ai complètement arrêté les comics. J'ai arrêté les comics parce qu'en fait, j'avais pas les fonds nécessaires et j'ai dépensé trop de fric dedans. J'ai comment dire, un comportement, j'achète de façon maladive. Ah, C'est-à-dire que je peux pas m'arrêter. j'ai ce problème. Et en fait, je suis passé des comics aux jeux vidéo. J'ai remplacé une drogue par une autre. Donc, je suis passé des comics aux jeux vidéo. Et je me suis mis à jouer en 97 à Resident Evil sur PlayStation et sur Saturn à l'époque. Et je m'achetais, bah, au lieu de m'acheter des comics VO, je m'achetais des jeux en américain et en japonais. Des jeux vidéo en américain et en japonais. Et puis, je me suis mis à jouer aux jeux vidéo jusque en 2017. Ah ouais, quand même, belle Et, période déjà, hein. ah bah ouais. Et en fait, en 2000, parce que, de 2012 à 2017, j'ai travaillé, donc j'étais déjà en Amérique, j'ai travaillé chez Sony PlayStation, qui fait que j'avais certains jeux gratuits, j'en avais d'autres bon, à moitié prix ou dans ce genre d'avantage. Et puis en 2017, je me suis fait virer par Sony, enculé, qui a décidé que en fait, ça coûtait trop cher. Ouais. Et en fait, ils m'ont remplacé par un petit jeune. Et ils ont commencé à payer le petit jeune au même prix qu'ils me payaient 5 ans plus tôt. Donc bon, voilà. C'est le rêve américain. Donc en 2017, je me suis remis aux comics. Parce que, en fait, les jeux vidéo, ça faisait déjà longtemps que je ne jouais plus à Resident Evil. Mmh. Et ça coïncide avec la période à laquelle on s'est rencontrés, en fait, à peu près. Exactement. Exactement. En fait, je m'étais remis déjà, je crois que c'était 2015. Je commençais à me remettre aux comics parce qu'en fait, j'avais des collègues chez Sony qui étaient des amateurs de comics. Et donc, on reparlait de comics. Enfin, je reparlais de comics. Et puis, ils m'ont redonné un peu le goût à collectionner. Et puis, ils me disaient, ouais, tu connais pas ça et ça. Et puis, je m'étais rendu compte, donc, j'avais un trou de 20 ans dans mon histoire des comics. Et justement, quand je t'ai rencontré, pendant un an ou deux ans, j'ai essayé de te suivre et de suivre d'autres youtubeurs récents qui étaient super enthousiastes avec des comics récents. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, 99 fois sur 100, en ce qui concerne Marvel et DC, j'étais complètement déçu par le résultat. Par contre, quand c'était des comics indépendants, oui. Quand c'était pas du super-héros, ça allait. Ouais, ouais. Quand c'était du super-héros qui n'était pas dans le... comment on appelle ça dans la ligne éditoriale, ça allait. Comme Superman Red Son, ça c'est parfait pour moi. Par contre, dès que c'est une série qui fait partie de l'univers habituel de Marvel ou de DC, j'arrive pas. Et c'est j'arrive quoi, pas, en fait non. Bah, c'est la nostalgie, en fait, c'est John Byrne qui l'explique dans un de ses commentaires au vitriol, parce que lui, le mec, il a la dent très dure. Ouais. Et on l'appelle mâchoire en fait, d'acier dans le milieu. Tu m'étonnes. Parce que il dit, bon, je sais pas comment c'est traduit en français, comment on peut le traduire en français, mais si tu veux, à son époque, il y avait les artistes prenaient des raccourcis. Et en fait, moi j'ai l'impression que les artistes actuellement font de l'anti nouvelle vague. La nouvelle vague au cinéma, c'était avant la nouvelle vague, t'avais un mec, enfin donc dans les films d'Hollywood, t'avais un mec qui rentrait dans sa voiture, tournait la clé de contact. Prenait son volant, passait la première, conduisait, allait se garer, allait dans son bureau, ouvrait la porte, fermait la porte, puis s'asseyait à son bureau. Après la nouvelle vague, c'était, tu voyais le mec qui se dirigeait vers sa voiture et puis qui rentrait dans son bureau. Ouais. Tu n'avais pas besoin de montrer tout ce qu'il y avait entre le moment où il prenait sa voiture et le moment où il rentrait dans son bureau. Parce que les spectateurs étaient habitués, ils savaient ce qui se passait, il n'y avait pas besoin de le raconter. C'est ça le parti pris de la nouvelle vague. Et j'ai l'impression, et c'est ce que dit John Byrne, c'est que maintenant, c'est de l'anti-nouvelle vague, c'est-à-dire que les dessinateurs te montrent tout ce qui se passe entre le moment où tu prends ta clé de contact et le moment où tu rentres dans ton bureau. Ce qui fait que tu as des pages et des pages et des pages et des pages où il ne se passe rien. Ouais. Et c'est chiant. Mais ça dépend vraiment des séries. Et je retrouve ça dans certaines séries où justement tu te rends compte que l'action, elle est déliée au possible. Et notamment voilà. Dans les séries qui ont, si je te dis pas de conneries, ce qu'ils appellent un double shipping, c'est-à-dire deux sorties mensuelles. Si je te dis pas de conneries, c'est cette expression. Ça se trouve, je dis de la merde. Et là, j'arrive vraiment à retrouver ce genre de truc-là. Heureusement, t'as pas dû tomber sur les bons. T'as pas dû tomber sur les bons. Mais... Donc, tu as ça d'une part. D'autre part, et c'est la faute à Frank Miller, dans son Dark Knight Returns, il a arrêté de mettre des bulles de pensée. Ouais. Donc, ses personnages ne pensent pas, ils agissent. Et leurs pensées sont soit véhiculées par des actions, soit véhiculées par des dialogues. Mm-hmm. Mais tu n'as plus de bulles de pensée. Visiblement, tous les scénaristes se sont dit, on va supprimer toutes les bulles de pensée. Ouais, ça a complètement disparu. Moi, c'est un truc qui me manque. Parce que tout le monde n'est pas Frank Miller, tout le monde n'a pas son talent de scénariste. Et il y a des fois que là, je me dis, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi elle dit ça à ce moment-là? Il n'y a rien qui explique pourquoi à tel moment, tel personnage fait telle action, sauf si tu connais le passé du personnage. Mmh. Mais moi, je ne le connais pas. Enfin, je le connaissais, mais en 20 ans, ça a changé. Quoi. Donc, je suis complètement largué. Et il y a aussi ce côté... Avant, dans les comics, c'était aussi Jim Shooter qui forçait tous les scénaristes à expliquer qui est qui fait quoi, comment, pourquoi. Donc c'est lourd, c'est chiant, mais ça permet à un petit nouveau de commencer une série n'importe où, dans n'importe quel épisode, et de ne pas être perdu, de savoir, tiens, ok, Peter Parker, il a une grand-mère qui est malade, il a une tante qui est malade, et puis il bosse pour son patron, qui s'appelle Jonah Jameson, tu vois. Alors que maintenant, il va juste dire « Salut May ». Il ne va pas dire « Salut tante May ». Tu vois, c'est des détails comme ça qui font que je suis largué. Ça, c'était la martingale de Stanley, quoi, si je te dis pas de bêtises, de faire toujours en sorte que le comics puisse être, à un moment donné, le premier comics d'un nouveau lecteur. Ouais, mais ça a été aussi le cas de Jim Shooter, d'accord, qui a poursuivi ça, et qui l'a réintroduit dans ses Valiant. Et tu vois, c'est souvent un truc qu'on peut reprocher aux comics, et notamment aux comics récents, c'est que pour accueillir les nouveaux lecteurs, généralement, ils passent toujours par un relaunch, une renumérotation pour pouvoir, alors, à la fois accueillir des nouveaux lecteurs avec un numéro 1, et puis surtout, on va pas se mentir, un numéro 1, ça vend toujours mieux qu'un numéro 3, donc, ils préfèrent faire des numéros 1. Au bout d'un moment, il devrait arrêter de se casser le cul à faire des 2, des 3, il doit faire que des numéros 1, tu vois. Je pense que c'est ce que je devrais faire avec mes émissions, que des numéros 1 pour voir, tu vois, si ça marche un peu mieux. Mais ça, c'est un truc donc, tu vois, qu'ils ont complètement aussi laissé tomber. C'est, moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu as des pages d'introduction dans ce numéro, vous allez croiser tel personnage, ce personnage chez lui. Chose que fait très très bien, par exemple, Urban Comics en France avec ses volumes reliés. Où tu as un gros travail éditorial, où tu as vraiment une feuille, une page d'introduction qui t'explique, on va dire, le contexte général, qui te donne des clés de compréhension sur le passé, les numéros précédents, qui vont être utiles en fait pour pouvoir aborder le comics, on va dire, en toute confiance, et avec aussi la page d'à côté, généralement un petit, tu sais, comme les photos d'entreprise, vous allez retrouver Batman, c'est Bruce Wayne, vous allez retrouver, je te dis une connerie, mais tu vois, Tim Drake, et c'est ce Robin là, c'est le troisième Robin, et du coup, ça permet quand même, normalement, au nouveau lecteur qui n'est pas feignant, de pas débarquer comme un cheveu sur la soupe, et puis de savoir un petit peu déjà se repérer. Et ça, c'est des trucs, à force de pas le faire, à force de mal le faire, je trouve qu'ils sont en train de... c'est de plus en plus difficile, en fait, de recruter un nouveau lectorat. Déjà, très bien qu'ils le fassent. Et ouais, non, enfin, je suis d'accord dans le sens où, bon, moi, je n'ai pas Urban. Ouais. Comment il s'appelle, lui, Max Faraday. Ouais. Il a fait le YouTuber Max Faraday, il a fait une émission, il y a quelques mois, ou peut-être l'année dernière, c'était sur Alpha Flight, la division Alpha. Mm-hmm. Et il en parlait, j'ai envie de dire, avec une nostalgie, un plaisir communicatif. Donc, je me suis acheté le trade paperback. Trade paperback qui compile, je crois, ces 6 numéros d'une mini-série d'Alpha Flight. Il m'a fallu, je crois, une demi-heure pour lire les 6 numéros. Et ouais, une demi-heure, c'est le temps que je prenais pour lire un épisode de l'araignée, ou de Daredevil, ou de Iron Man. Et c'était rigolo à lire, c'était sympa, mais en même temps, je me suis dit, c'est 20 pages, donc il y a 120 pages qui se lisent en une demi-heure, mais il n'y a rien là-dedans, il n'y a aucune substance. Ils auraient pu tout compiler en un seul épisode. Ça revient sur ce que tu disais, je crois, avec Grey Pigeon, qui est que, à mon époque, donc les VF, mais aussi les VO, sortaient tous les mois. Donc, il fallait en donner au lecteur pour qu'il tienne le coup pendant un mois, quoi. Pour qu'il soit intéressé pendant un mois. Mmh. Alors que maintenant, il y a vraiment une volonté des éditeurs de faire des sorties très paperback. Tout à fait. Donc, en fait, ils s'en foutent de remplir ou pas un fascicule, parce qu'ils savent que ça va sortir sous la forme d'un trade paperback qui va compiler 6, 12 épisodes. Il y a un paquet de scénaristes qui fonctionnent comme ça, qui pensent leur histoire en arc, et donc pour pouvoir le découper, le compiler en trade paperback. Et ça, c'est un truc qui est super chiant, et que, tu vois, pour le coup, j'ai adoré avec Immortal Hulk. c'est parce qu'il y avait vraiment de nouveau cet aspect feuilletonnant. Et ça, j'adore, tu vois, l'aspect feuilleton. Le côté, voilà, savoir te raconter une histoire en 24 pages. Enfin, ouais, c'est. Qui évidemment, il y a une suite, tu vois, dans les prochains numéros. Mais je trouvais que c'était pas vraiment pensé en termes de trade paperback. Tu peux le couper, bien sûr, mais il avait quand même bien en tête, notamment au début, l'idée de faire vraiment des histoires en un. C'est vraiment un truc que j'appréciais beaucoup. Et c'est quelque chose que je retrouve aussi dans les livres, dans les séries américaines. Alors, à mon époque, ça n'existait pas en France. Enfin, ça n'était pas traduit en France. J'en ai parlé quelques fois. Donc, il y a des auteurs comme Jim Butcher. Je crois qu'il a eu ses 5 ou 10 premiers bouquins qui ont été traduits par Bragelonne en France. Maintenant, je ne sais pas si la traduction a continué ou a été reprise par un autre éditeur. Mais ce sont des livres qui sont une série. Et bon, tu peux les lire séparément, ils tiennent la route séparément, mais c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre. Et tu as aussi un côté feuilleton, justement. Moi, j'attends mon Jim Butcher tous les ans. D'accord. Et après, bon, y a des bouquins qui sont mieux que d'autres, c'est clair. Mais dans l'ensemble, y a un niveau d'écriture qui reste constant. Et j'adore ce plaisir du roman feuilleton. Je vais te poser des petites questions rapides à répondre en quelques mots. Alors après, tu peux te tromper, Bon, on n'est pas des sauvages non plus, mais bon. je ne promets rien. Non mais j'en ai deux trois comme ça, puis après normalement on a des questions sur lesquelles on va devoir développer forcément un petit peu plus. Maintenant, à ton âge, enfin voilà, ton toi de maintenant, est-ce que t'es plus Marvel, DC ou bien les indés? Alors, j'ai jamais été décédé. Ouais. Et c'est un grand reproche à te faire, ça. Bouh! Et toi, c'est rigolo, hein? Bon, je vais faire plus que quelques mots. Désolé. Quelques mots. Enfin, c'est rigolo parce que quand je t'ai dit là en 86, quand je suis devenu un homme et les BD comics sont devenus des BD adultes, eh ben, c'était principalement du DC. C'était Dark Knight, V pour Vendetta, Watchmen. Ça a tous été édité par DC. Il y a eu aussi Elektra Assassin par Marvel, et c'était pour leur branche épique. Mais ouais, enfin donc j'ai ce côté, ouais, mais DC, c'est toujours Superman, Batman, j'aime pas. Mais d'un autre côté, ce que j'ai toujours adoré avec Marvel, c'est qu'ils rendent leurs personnages humains. Peter Parker, il a la grippe, il a sa tante May qui a un arrêt cardiaque, et il va se mettre sur la gueule avec Docteur Octopus. Alors que Superman, eh ben, il va combattre je sais pas, un ennemi extraterrestre, et puis qui va lui balancer des kryptonites sur la gueule. D'un côté, je peux m'associer, enfin, je peux m'investir dans Peter Parker qui a la grippe, qui en plus a des problèmes avec sa copine au collège, mais Superman qui vole, qui est un extraterrestre et puis qui combat un autre extraterrestre, j'arrive pas à m'investir, absolument pas. Ouais, c'est pas des trucs qui nous Pareil. arrivent tous les dimanches matin, quoi. Non, L'identification est plus compliquée, quoi. je me sens pas non plus être une Amazone qui a l'assaut. Je me sens pas être un milliardaire qui a une Batcave. Tu vois, ces mecs-là n'ont, enfin, ces personnages-là n'ont aucune faiblesse. Donc, pour moi, ce sont des archétypes et j'arrive pas à m'investir émotionnellement dedans. D'un autre côté, ouais, Daredevil, bon, il a des lunettes. Enfin, Matt Murdock a des lunettes comme moi. Tu vois, c'est un détail qui est bon. Tu vas me dire, Clark Kent, toi aussi, il a des lunettes, mais c'est des fausses lunettes. C'est juste pour faire semblant. Ah, je sais pas comment dire ça, mais les personnages de Marvel sont humains, donc je peux m'associer à eux, je peux m'investir dans leur vécu quelque part, alors que ceux de DC, c'est impossible. Il y a une plus grande proximité. Il y a Et aussi le côté DC se prend super au sérieux. c'est-à-dire? Les personnages de DC ne font pas des blagues, ne font pas justement le côté Daredevil ou Spider-Man qui envoie des pêches dans la gueule de Docteur Octopus, mais qui en même temps fait des calembours, ça n'existe pas. Tu vois pas Superman mettre une pêche et faire un calembour en même temps, quoi. Alors, Ou Batman. Superman non, Batman non plus, enfin ça me paraît un peu Bah compliqué, oui. encore qu'il y a peut-être des décennies de ça, pourquoi pas. Mais par contre, t'as des super-héros ou des équipes de super-héros qui s'y prêtent beaucoup plus. Si tu prends les New Teen Titans de George Perez, Ouais. Et Marvel, enfin. Et Mark Wolfman, Wolfman, là, du coup, il y a beaucoup d'humour. De l'époque, hein, Mais l'humour. oui, mais Marv Wolfman venait de chez Marvel à cette époque-là. D'accord. Il a écrit les New Teen Titans de la façon dont il l'aurait écrit pour Marvel. Ouais, mais du coup, c'est du DC. Ah, ouais. Du coup, peut-être que dans Bon, les héros les plus emblématiques, mais en plus, effectivement. tu sais que justement, j'ai lu les New Teen Titans, c'est l'une des rares séries que j'ai lues, et principalement parce que c'était traduit par Aridi à l'époque, Ouais. parce que c'était des scènes de George Pérez qui venaient sur les Vengeurs. Tout à fait. Donc, j'ai retrouvé Pérez des Vengeurs sur les New Teen Titans. Je C'est pour ça que savais j'ai pas suivi qu'il la. avait. Il a travaillé combien de fois sur les Vengeurs, Georges Pérez? Les Vengeurs, tu vois, alors là, tu vois, c'est le Non. moment où s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ils viennent de Non. comprendre qu'on était extrêmement vieux. Parce que pour nous, les Avengers, c'est les Vengeurs, quoi. Donc, et là, ouais, faut être né dans les années 70-80. Ouais. Effectivement, quand nous, on était gamins, bah, les Avengers, bah, c'était les Vengeurs. Voilà. Et Non, mais de toute façon, paradoxalement, les QF, nous, c'était les FF, les Fantastic Four. Paradoxalement, tu vois. Voilà. Oui, c'est vrai. Et ouais, au milieu des années 2000, Panini, ils ont décidé d'arrêter d'appeler les FF, les FF, ils les ont appelés bah, les QF, parce qu'ils me... Mais alors, mais écoute-moi bien, ça me serre les testicules quand je lis les QF, tu vois, tellement ça me fait mal au cœur. Parce que qu'on arrête de les appeler les Vengeurs pour revenir au nom original, les Avengers, qu'on arrête d'appeler l'homme araignée, qu'on reste vraiment sur Spider-Man, je trouve ça naturel. Mais que les Fantastic Four, du coup, on fasse le chemin inverse et qu'on reste sur les quatre fantastiques, oh là là là là là, c'est complètement débile. J'ai cru comprendre que c'était un classique de Panini de pas être constant dans ce qu'il faisait, quoi. Alors, en toute honnêteté, je pense qu'ils ont suivi à un moment donné, tu vois, la vague cinéma, quoi. C'est collé au plus près de ce qui se fait au cinéma pour qu'il y ait vraiment, bah, et ce qui s'entend, hein, une logique, une continuité entre le comics papier et le cinéma pour qu'il puisse y avoir des passerelles qui se créent beaucoup plus facilement. Mais le problème, c'est que, bah, à un moment donné, enfin, c'est juste ridicule, quoi. Après, moi, je te dis ça, je pense que je suis le seul en France que ça fait chier. Donc, bon, écoute, si je suis le seul à qui ça a posé un problème, c'est que c'était pas un problème. Mais pour en revenir à ta question sur Georges Pérez et les Vengeurs Avengers, Ouais. je crois qu'il les a dessinés 3 ou 4 fois. D'accord. C'est-à-dire il a commencé chez Marvel avec Logan's Run, qui est l'âge de cristal en français. C'était une mini-série qui adaptait la série, je crois, ou qui faisait la suite de la série télé. Après ça, il a fait les Vengeurs, donc. Pendant 1 an, 2 ans, un truc comme ça. Puis je crois qu'il est parti sur les Quatre Fantastiques. Oui. Puis il est revenu donc une première fois sur les Vengeurs. Puis il est parti chez DC, je crois, faire les New Teen Titans. Puis il a Et fait, je Wonder crois, Woman, deux. tout ça? Ouais. Je suis pas Non, sûr que c'est ça soit à ce moment-là. après Wonder Woman. C'est bien après parce que les New Teen Titans, c'est avant Crisis on Infinite Earth. Donc c'est bien après qu'il a Ouais. fait Wonder Woman. Ouais, donc il a fait Crisis. Après, je crois qu'il est parti chez les indépendants faire son propre truc. Ouais. Et il me semble qu'à ce moment-là, il est revenu, avant de faire Wonder Woman, il est revenu chez Marvel faire les Vengeurs. Et bah, s'il Dans est les revenu à ce débuts. moment-là, il est revenu une autre fois parce que je suis en train de lire le run des Avengers de Kurt Busiek et George Pérez, et c'est fin 90, début 2000. Bah, c'est ça, ouais. C'était avant Wonder Woman, il me semble. Ah non, non, Wonder Woman, c'était bien avant. Wonder Ah. Woman, c'est tout de suite après Crisis on Infinite Earth, donc c'est 86-87. Ah, d'accord, Si je wow. te dis pas de bêtises, encore une fois. Et là, non, non, Non, c'est 12 ans plus tard. Et je sais pas si tu as eu l'occasion de lire les Avengers de Busiek et George Pérez, mais, et tu sais que je suis un amoureux de George Pérez et de son travail, mais je n'ai jamais vu du George Pérez aussi beau que dans ces Avengers de Busiek. Le mec est extraordinaire. Extraordinaire. Oh, il est au sommet, vraiment. Il fait des trucs, mais moi, c'était tellement beau, ça me sortait de l'histoire. J'arrêtais de lire, quoi. Je disais, ouais, mais waouh! Mais putain, la vache, mais c'est des scènes où, bah, du Georges Pérez, hein, où il te dessine les héros au premier plan avec tous les détails, au deuxième plan avec tous les détails, au troisième, au quatrième, le pélo au fin fond là-bas qui est en train de traverser la rue, il s'amuse à faire des petits détails pour que tu vois les ondulations de ses vêtements. Mais le mec, mais il est monstrueux, quoi. Monstrueux. Incroyable de talent déjà d'une part et de don de soi sur le travail. Il y en a plein qui se seraient pas fait chier à ce point-là. Et lui, bah non, ça l'éclate. Ça l'éclatait de mettre autant de détails. C'est incroyable. Il est unique. Vraiment. Ben, j'ai envie de dire, lui et John Byrne sont les deux seuls à aimer faire des groupes. C'est-à-dire que généralement, les dessinateurs de comics américains, donc, ils sont payés à la page. Et plus ils dessinent de pages, donc plus ils sont payés. Et moins il y a de personnages sur une page, plus ils vont vite, plus ils font de pages. Ça, c'est la règle pour les dessinateurs normaux. Mais tu as deux dessinateurs, donc tu as John Byrne et Perez. Donc Perez est quand même supérieur à John Byrne à ce niveau-là. Mais les mecs dessinent plusieurs magazines de groupe par mois. Quand tu y penses, mais c'est hallucinant, quoi. Et Et il s'est buté les yeux dessus, quoi. Il a des gros problèmes de bah, santé, les yeux à Pérez, main. et je crois qu'il peut plus dessiner, hein, d'ailleurs. Bah, Perez, je crois qu'il nous a quittés, hein. Non, il est pas Il me mort. semble. Non? Non, je crois pas qu'il soit mort. Il me semblait qu'il était. Il était parti il y a Mais un an ou deux. non, il a annoncé sa retraite définitive. Ah oui, c'est ça, pardon, c'est À ça. cause de bah justement de problèmes de santé qu'il avait plus bah sa vue décline et que bah du coup il peut plus dessiner comme il faisait avant, c'est impossible et bah du coup il a plus l'outil et ben bah, voilà, il arrête quoi. Et voilà, et Georges Pérez, j'adorerais rencontrer Georges Pérez vraiment. Oh, c'est enfin le rencontrer, ne serait-ce même que lui serrer la main et lui dire merci, ça me ferait plaisir, vraiment. Et il y Donc, avait. on digresse Attends. beaucoup trop. Attends, Vas-y, attends. vas-y. Dernière digression avec John Byrne. À un moment, il dessinait les branches de la côte ouest, les 4 fantastiques, la division Alpha, je crois, en même temps. Ouais, mais c'était un monstre. Peut-être les X-Men aussi. Et il y a eu un. Je sais plus si c'était un journaliste ou un fan qui m'a demandé, mais vous n'êtes jamais mélangé les pinceaux. Donc, en dessinant tel personnage de telle série dans l'autre série, il a dit si, à un moment. Dans le King Jet des X-Men, j'ai mis la sorcière rouge au lieu de faire Tornade. D'accord. Mais bon, il s'en est rendu compte et puis il l'a effacé, quoi. Mais ça a Ah, été la ok. seule fois où ça lui est arrivé. Et C'est pour te tu. dire aussi quand même, le mec, il maîtrise son sujet. Parce Ah que ouais. dessiner plusieurs groupes, moi, ça m'arriverait à chaque fois, quoi. À chaque page que je fais, je mélangeais les groupes, mais bon. Et je suis pas certain qu'il y ait encore des dessinateurs actuellement dans l'industrie qui soient capables de produire autant et avec autant de qualité que ce que Oh non. faisaient Byrne et Pérez à leur époque. Et en plus, ben ouais, avec des feuilles de papier et des crayons. C'est-à-dire que maintenant, ils sont quasiment tous sur les tablettes graphiques, hein. Chose que j'aime pas des masses. Enfin, je préfère les trucs plus anciens. Enfin, je préfère le côté artisan. Voilà. Alors, une autre question rapide, j'allais dire, mais pas forcément, mais rapide, quand même. Plus rapide. Ah, bon, faut voir. Je te laisse seul juge. Est-ce que tu préfères des comics avec un héros seul, ou est-ce que tu préfères les histoires avec des héros en équipe? C'est compliqué. C'est compliqué parce que je n'aime pas les groupes. Je n'aime pas les groupes qui ont une longévité assez poussée. Du style les 4 Fantastiques, les Vengeurs. Je n'aime pas ces histoires-là parce que ce sont toujours des histoires de science-fiction. Pourtant, j'aime beaucoup la science-fiction. Mais j'ai adoré un groupe qui s'appelait Les Champions. Je crois qu'il a été ressuscité 3 ou 4 fois par Marvel depuis. Mais le premier groupe, donc dessiné par John Byrne, avec la Veuve Noire, le Ghost Rider, Hercule, Goliath, le Goliath Noir, Angel et Iceberg. Ouais. J'ai adoré ces histoires-là parce que justement, ce n'étaient pas des histoires de science-fiction. C'était des histoires, c'était un groupe qui se mettait sur la tronche avec des ennemis, j'ai envie de dire, terre à terre. Et J'ai adoré les histoires des Vengeurs ou des Quatre Fantastiques qui se déroulaient aussi donc contre l'homme absorbant ou ce genre d'ennemi. Mais dès que ça se passe dans l'espace avec les Skrulls ou Galactus ou genre d'épopée cosmique, ça me gave, je sais pas pourquoi. Putain, mais alors Pourtant, moi ça j'adore j'aime quoi. beaucoup en fonction. C'était le côté voyageur cosmique, tu vois, de savoir ce qui allait au travers des pages des Quatre Fantastiques ou bien du Surfeur d'Argent, ce qui se tramait derrière les étoiles. Oh, mais alors moi c'est... Putain, Écoute, j'adore. j'ai uniquement vécu ça, j'ai uniquement vécu ce genre d'état d'esprit avec Jack Kirby quand il faisait le quatrième monde pour DC. Et ben ça, tu vois, je l'ai pas lu. J'ai eu peur et j'ai encore peur de le lire. Parce que c'est du Bah écoute, Kirby. là je te laisse quand même pas une demi-heure, je te laisse une semaine et puis on reprend ce podcast. Alors, Ouais. et y a 4 Bon. tomes je crois qu'il y a 4 tomes à 35 euros. Donc Bah, il va falloir me laisser beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, c'est... Ouais. ça, c'est que... Mais ça n'a jamais été terminé. Et en plus, bon, John Byrne a essayé de le continuer. Il y a eu, enfin, John Byrne et Walter Simonson, d'ailleurs, qui sortent en omnibus incessamment sous peu, là, chez DC. Et je présume que ça va donc être adapté en VF l'année prochaine, peut-être, ou par Panini ou Urban, je ne sais pas lequel s'en occupe. Mais j'étais vraiment très, très content parce que ça faisait longtemps que je voulais acheter cette série sous la forme de trade paperback ou d'omnibus, parce que c'était uniquement sorti en fascicule. Et ça s'appelle Jack Kirby's Fourth World par John Byrne. John Byrne au dessin et au scénario au début, et ensuite uniquement au scénario. Et c'est Walter Simonson qui fait les couvertures et qui après fait le dessin. D'accord. Walter Et, Simonson mais aussi ouais, était un non, enfin. putain d'artiste. Ouais, Walter Simonson, je l'ai détesté quand il a fait X-Factor. Je trouve que Walter Simonson a un dessin qui se prête merveilleusement aux épopées cosmiques, justement. Enfin, pas cosmiques, aux épopées. Ouais. Que ce soit Thor, des aliens, ou que ce soit comment ça s'appelle, la mythologie nordique, c'est formidable. Par contre, justement, quand il dessine du super-héros bas de gamme, comme X-Factor, j'accrochais pas, quoi. Son style anguleux, ça m'a fait décrocher complètement de la série. Au début d'X-Factor. Non, je suis en train de me dire, Mais... les amoureux d'X-Factor, quand ils vont t'entendre dire des héros bas de gamme. Mais Voilà. ça va que t'habites aux États-Unis, sinon, mais ils Ah oui, vont c'est te ça. péter la gueule. Le temps qu'il se fasse vacciner déjà pour me prendre l'avion, pour me retrouver, c'est bon, quoi. Ouais, il y en a pour 5 minutes, hein, quand même. L'Oregon, c'est grand. Il y a plein de forêts en plus, je peux me cacher tranquillement. Mais, Et tu préfères un héros seul ou une équipe? voilà, j'y reviens. Donc, peut-être parce que j'étais un enfant solitaire, machin, j'ai toujours aimé les héros solitaires. J'ai accroché sur Iron Fist et Daredevil. Iron Fist parce qu'il était dessiné par John Byrne. Il n'y a pas à se voiler la face. Daredevil, justement parce qu'il avait des lunettes, donc ça me rapprochait de lui. Et pendant des années, Daredevil a été mon héros chouchou. Et puis, je sais pas comment ça s'est fait, mais petit à petit, c'est Iron Fist qui a pris la relève. Mais moi, je m'étais arrêté. Iron Fist, donc, avait battu Davos. J'avais jamais lu, enfin, j'avais lu quelques épisodes de Iron Fist et Power Man. Je savais pas que, spoiler, Iron Fist avait été tué à la fin de Iron Fist et Power Man. Et je savais encore moins que Iron Fist avait été ressuscité après. Et en fait, j'ai découvert dans Namor, une fois de plus dessiné par John Byrne, que il fait revenir Iron Fist et il explique un peu tout ça, quoi. Et Et j'avais adoré cet épisode-là. si tu devais choisir un seul super-héros, ton préféré? Un seul. Iron Fist. C'est vrai? Iron Fist. Ouais. Ouais, j'aime. Mais pas le Iron Fist actuel. Je trouve que c'est un non-sens complet. Iron Fist, c'est un mec, il a maîtrisé d'abord son esprit avant de pouvoir maîtriser son corps. Et parce qu'il maîtrise son esprit, il peut faire venir le chi dans son poing gauche ou droit, je sais plus, et puis le transformer en poing de fer. Et quand tu vois maintenant qu'il fait des Black Carambars, une espèce de petit con qui fait de l'art martial, et puis que tu entends sur son poing de fer, on sait pas d'où, on dit mais le scénariste qui a inventé ce nouveau Iron Fist, il a bu, quoi. Il a pris de la drogue, c'est pas Ouais, ça possible. fait pas très maître des arts martiaux, quoi. Non seulement c'est pas un arts martiaux, mais le mec il maîtrise même pas son esprit. Qu'il fasse des arts martiaux, oui, mais ça ne peut pas être le Iron Fist. Je suis Voilà. assez d'accord. Je suis assez d'accord. En plus, c'est vrai que c'était créé dans tout. À l'époque, Bruce Lee, ce genre de choses. En plus des trucs de dingue qu'on pouvait voir au cinéma, on sentait bien que derrière, il y avait une philosophie, une retenue. Enfin, derrière, il y a une façon de penser, une façon d'être pour pouvoir justement arriver à ce niveau-là, de maîtrise. Et Tu me fais. effectivement, c'est pas retranscrit là dans ce qu'on peut lire actuellement, ou même ces dernières années, ouais. Enfin, nettement moins. Et c'est même quasiment pire encore dans la série de Netflix. Ah oui, non, mais. Non, mais Mais je l'ai regardé quand même, j'ai regardé les deux épisodes, enfin les deux saisons, j'avais rien d'autre à faire à l'époque, et j'ai vraiment aimé la deuxième saison parce que déjà ils reprennent toute la thématique de Davos, donc il se met à chercher le point de fer pour lui-même, et ils font intervenir les sœurs du dragon, bon, les filles du dragon, pardon, et Colleen Wing dans la série Netflix. Elle est comme je m'imaginais le personnage de la série de BD. Et au moins, au niveau de Colleen Wing, ils ont réussi. Ils ont complètement foiré avec Danny Rand. Et si, Une digression. De quoi? J'arrête mes digressions. Temporairement. Non, mais après, si on parle un petit peu plus. On parle quelques heures de plus. Putain, je te jure. Bon, on peut pas le dire, mais on va le dire quand même. Mais il y a eu une petite coupe, une pause pipi. À un moment donné dans ce podcast et où on s'est fait la réflexion, on s'est dit waouh, mais on digresse beaucoup beaucoup beaucoup, c'est-à-dire qu'en 2 heures on a passé 3 questions et c'est et voilà, et le fait est que je peux pas faire une émission de 5 heures, c'est sûr et certain, parce qu'au bout d'un moment nous on va s'éclater, mais je suis pas sûr que ce soit digeste, tu vois, pour les gens. Et donc on s'est dit bon bah on va arrêter un peu de digresser, mais on n'y arrive pas quoi. Et pourtant je sens une grosse retenue hein, en toi, je sens que tu vois tu te contiens, je le sens, c'est un truc de dingue. Et donc ce qui me permet de rebondir sur une autre question que Qu'est-ce qui et on se retrouve dans 45 minutes pour une autre question du coup. Mais que doit faire un scénariste pour te séduire? Et donc forcément, quel est ton scénariste préféré? Oh là là, ouais, mais attends, arrête avec tes questions de. Bon, déjà, je pense que je connais que deux scénaristes purs, c'est Alan Moore et Chris Claremont. Pourquoi scénariste pur? Parce que les autres scénaristes que je connais, c'est John Byrne et Frank Miller. Oh, mais t'en connais d'autres quand Et même. non, franchement non. Bah, Stanley. Quand tu me dis les noms, je vais dire, ah oui, comme Marv Wolfman, Ouais. ouais, c'est vrai. Mais c'est, disons que j'ai jamais fait vraiment attention à qui écrit l'histoire. Parce que pour moi, surtout avant même que je ne connaisse la méthode Marvel, j'étais attiré par les dessins. Et la méthode Marvel, c'est l'inverse de la méthode DC. Enfin, c'était, en tout cas, à l'époque. Marvel, le scénariste faisait un pitch au dessinateur. Bon, alors, ce mois-ci, Peter Parker, il va être malade. Sa tante May va avoir un arrêt cardiaque et il va se battre contre Octopus. Le 38e cardiaque de sa carrière à Tante Ah May. bon, Bon. voilà. Et donc, Coco, tu me fais 17 pages avec ça. Le Coco faisait 17 pages avec ça, rendait les 17 pages et le scénariste écrivait les dialogues. Ça, c'était la méthode Marvel. Qui fait que le scénariste suivait les dessins pour mettre ses dialogues. Alors que la méthode DC, c'était le scénariste écrivait 17 pages avec les dialogues, je crois, et fournissait ça au dessinateur de suivre case par case le découpage du scénariste. Et c'était aussi pour ça que je trouvais que DC, c'était trop froid. Mais Marvel, ça a toujours eu une espèce d'explosion de visuelle. Donc j'ai toujours fait plus attention au dessin qu'au scénario. Et si quand je feuilletais un album, si les dessins me plaisaient, j'achetais l'album pour lire l'histoire. Si les dessins me plaisaient pas, j'achetais pas l'album. Je ne donnais pas sa chance au scénariste. Tu vois? Et donc, quand je dis qu'il y a deux scénaristes que je connais, Chris Claremont, que je déteste parce qu'il écrit trop, et Alan Moore, j'aime beaucoup ses prises de parti politique. Bon, parce que je suis à gauche. Donc, Watchmen et puis V pour Vendetta. C'est à gauche toute, donc allons-y gaiement. Bon, maintenant, comme je t'ai dit dans une de mes vidéos, il y a des trucs que je n'aime pas du tout chez Alan Moore, mais c'est aussi ce que je te disais au début, c'est-à-dire que je ne peux pas me contenter d'aimer quelqu'un. Il faut que je vois le côté négatif aussi. Quoi. Mmh. Mais donc, ouais, je sais que vous, les jeunes lecteurs, vous parlez souvent de scénaristes plus récents. Mmh. Bon, j'ai oublié les noms. Brubaker, et puis je ne sais plus qui. Geoff Johns. Non, il y a deux noms qui reviennent tout le temps, continuellement. Et... Oh, il y en a plus, hein. Mais il y en a deux qui reviennent vraiment beaucoup. Et Brubaker, oui. Et Geoff Johns aussi beaucoup, Grant Morrison, Snyder. Grant Morrison. Ouais. Et puis il y en a un autre. Mais enfin, bon, bref. Moi, tout cela, je n'ai peut-être lu, sans savoir que c'était deux, et sans que ça me fasse quoi que ce soit. D'accord. Non, t'aurais lu du Grant Morrison, t'aurais su que c'était de lui. Parce qu'à un moment donné, très sincèrement, je pense que tu serais revenu en arrière. Tu vas t'attendre, c'est qui ce connard qui écrit ça? Et tu te fais rappeler son nom. Si, il y en a un que j'ai appris à connaître, c'est Neil Gaiman. Oui. Et j'ai appris à le connaître parce que j'ai lu ses livres. D'accord. Et j'ai lu quelques BD de lui. J'ai aimé les BD à cause des dessins. Pas forcément à cause des histoires, mais j'ai adoré certains de ses livres. Donc final, c'est pour ça que j'ai retenu son nom. Ton scénariste préféré, c'est Alan Moore. Ouais. Mais ça veut pas dire... Ouais. Mais ça veut pas dire final, qu'il est exempt pour reproche. Au final, mon scénariste préféré, c'est Frank Miller. D'accord. Frank Miller, ce qui ne veut pas dire que j'adore tout ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait pour Born Again avec Daredevil, pour Batman Year One... pour Give Me Liberty et puis pour le Dark Knight Returns, ouais, ça c'est, et puis aussi ça c'est pour le niveau de l'histoire. Est-ce que tu trouves sur les quatre bouquins que tu as cités là de Frank Miller, est-ce que tu trouves que c'est ce qui fait que ces bouquins sont exceptionnels, c'est parce que moi je trouve que c'est vraiment l'aspect complètement ancré dans son époque. Tu vois, c'est, pour moi, il n'y a pas... Enfin, Born Again, c'est tellement la fin des années 80. Je trouve que c'est vraiment une photographie, un instant T des États-Unis à l'instant 80, quoi. Et ça, je trouve ça incroyable. Peut-être que je l'ai lu, enfin, que je suis trop proche du matériel, dans le sens où j'étais jeune quand je l'ai lu, et je le lis toujours avec mes yeux d'enfant, enfin, de jeune adulte. Mm-hmm. Mais... je vois juste le message politique et je vois le découpage, je vois la musique des mots, je vois les expressions qu'il utilise, qu'il répète. Tu vois, comme il y a un truc, à un moment, quand je te disais Stan Lee et puis Jim Shooter veulent toujours que chaque épisode que tu lises soit accessible pour un nouveau lecteur. Et à un moment, je crois que c'est à la fin du premier épisode ou à la fin du deuxième épisode, Al-Qaïd qui dit... et il sait qu'il a fait de lui un homme sans peur. Un homme sans espoir est un homme sans peur. Et l'homme sans peur, c'est la croche de Daredevil. Tout à fait. Daredevil, l'homme sans peur. Mais je trouve ça tellement exceptionnel qu'un scénariste mette cette expression-là dans une phrase. Voilà. Moi, j'accroche à ce genre de détails. Peut-être que 89% des lecteurs vont passer à travers. Ou peut-être que ça ne sera même pas traduit comme ça dans une VF. Mais dans la VO... ça m'a sauté à la gorge. Et il y a des trucs comme ça que Frank Miller fait verbalement, au niveau de l'écriture. Pour moi, c'est un grand scénariste à ce niveau-là. Et tu vois, ça me fait penser à mais ce que tu... Ben après, c'est pas une phrase d'accroche, mais c'est une phrase, tu vois, qui revenait souvent dans les Immortal Hulk, où, donc évidemment, Hulk et Banner, le trouble dissociatif de personnalité, deux personnalités bien distinctes, voilà, enfin en gros, et on connaît le truc, et il y a un moment, il y avait souvent au cours des épisodes cette phrase qui ressortait, alors je vais pas te la faire en anglais pour tes oreilles, et puis en plus je suis pas sûr de m'en serrer, mais en gros c'était « si on touche à Banner, je le prends personnellement. I take it personally. » Un truc comme ça. Avec mon accent de merde, tant pis, je l'ai fait. Et t'avais un truc comme ça qui revenait à chaque fois. Quand quelqu'un faisait du mal à Banner, qu'il le tuait, et que du coup, ça, au moment où il ressuscitait, c'était Hulk qui arrivait, et il balançait cette phrase-là, et wow! Ça te pose l'ambiance de Immortal Hulk. Pourquoi c'est Hulk l'immortel? Pourquoi il est immortel? Et ça tient des fois ouais, en une phrase ouais, pour te jeter une ambiance. Et je suis tout à fait d'accord, tu vois. Après, voilà, le man without fear, c'est. Enfin, forcément, c'est la phrase qui est incroyable pour définir Daredevil. Et le fait de le replacer dans un dialogue, ouais, c'était génial. Mais tu vois justement ce que je te disais aussi avec les traducteurs, ta phrase là de Immortal Hulk, est-ce qu'elle est toujours traduite de la même façon en français? Parce Je que saurais pas te dire, mais je trouve qu'elle a moins d'impact. J'ai moins d'impact. en anglais, ça sera un leitmotiv. Ce sera quelque chose qui va revenir régulièrement, qui va permettre aussi au lecteur de, ah, ok, maintenant on sait qu'il va y avoir de la bagarre, ou on sait qu'il va y avoir un truc avec Hulk. Alors que si le traducteur français numéro 1 va traduire d'une façon, le numéro 2 va traduire d'une autre façon, eh ben tu vas perdre ça, tu vois. Et déjà, ça c'est très juste, parce que dans les. Si je te dis pas de bêtises, mais j'avais regardé, je crois pas que je dise de bêtises, dans chaque tome en fait de Immortal Hulk, c'est jamais le même traducteur. Ce qui pour moi, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Parce que tu dois prendre un traducteur, son ton, sa compréhension, tout ce qu'on disait tout à l'heure, et tu lui dis, je te confie la série Immortal Hulk. Si tu nous donnes satisfaction, bah évidemment on continue, mais tu la feras d'un bout à l'autre. Si tu changes ça, et bah tu. Bah, je sais pas, les traducteurs, c'est putain. Ils emballent pas des colis, quoi, tu vois. Merde, ils font un travail qui est super important. Et le fait de se dire qu'on peut les interchanger comme ça, et bah, je trouve que déjà, bah, c'est une méconnaissance du travail de traducteur, à mon sens, et surtout pas beaucoup de respect, encore une fois. Et. Dis, Oui. je peux faire une digression. Vas-y. L'un de mes boulots, parce qu'en Amérique, c'est quasiment impossible de travailler, d'avoir un seul travail. Tu es obligé d'avoir deux ou trois boulots pour survivre. L'un de mes boulots, ben, c'est pas traducteur de BD, mais c'est de vérifier les traductions pour une boîte qui fait des, enfin, une boîte qui traduit des programmes informatiques. Donc c'est technique. Mais c'est du style le programme que tu utilises dans certains supermarchés. Donc, pour payer tes kilos de poulet ou de savon, je sais pas quoi, ben, tu as besoin donc d'un programme informatique qui est fait par des Américains ou des anglophones et qui est traduit en différentes langues. Et donc, moi, je vérifie ça. Enfin, je vérifie que la traduction est correcte. Parce que très souvent, les traducteurs traduisent sans savoir le contexte. Donc, leur traduction est correcte, mot par mot, mais n'a aucun sens dans le contexte d'une vente de cornichons. Et donc, bon, bah, moi, je dois remettre ça dans le contexte. Et en fait, les traducteurs sont payés, mais avec avec des cacahuètes, hein. C'est très mal payé. Et justement, c'est un boulot de merde. Il n'y a aucune valeur qui est donnée aux traducteurs. Et je trouve ça vraiment triste parce que généralement, pas traducteur, il faut que tu aies un bac plus 42. Faut justement que tu sois très bon en grammaire, en orthographe. Ouais, c'est vraiment ingrat comme métier. Et c'est pour ça que je pense aussi que le traducteur change régulièrement parce qu'ils sont payés des cacahuètes et ils font ça entre deux boulots, quoi, entre deux vrais boulots. Ouais, et puis c'est si tu commences à te dire bon bah ce traducteur tu vas le laisser sur ce personnage parce que ça fait alors c'est ce que je te dis là hein, chez Panini c'est juste que j'ai remarqué sur une série ça se trouve c'est pas des trucs que j'ai regardé de fond en comble donc c'est pas une vérité absolue mais ça se trouve tu peux très bien avoir des traducteurs qui sont tout le temps sur les mêmes séries mais je serais curieux de le voir. Et de le vérifier, mais bon, pourquoi pas. Mais tu as quand même des traducteurs tu vois, qui reviennent d'une manière régulière, que tu retrouves souvent, notamment un qui s'appelle Jérémy Manez, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup sa manière de traduire. Je trouve qu'il fait un très très bon boulot. Et je sais plus ma digression où c'est qu'elle m'emmenait, bordel. J'ai réussi à me perdre dans ma propre digression, c'est quand même catastrophique. Ce qui me permet, du coup, de revenir à mes questions. Puisque bah, quand Bah, tu te perds dans ta digression, tu reviens à des questions, règles basiques. Et on va aborder. Alors, on a fait les scénaristes. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est vraiment un truc en fait sur ta chaîne que j'adore, en fait, c'est quand tu parles des dessinateurs, tu vois. et quand tu parles des dessinateurs et que tu expliques bah, ce que tu aimes chez eux, ce que tu n'aimes pas, alors, à part faire tes vidéos ici, hein, c'est pas la question. Si les gens ils ont envie de savoir, il faut qu'ils aillent voir tes vidéos. Mais tu as une manière en fait de parler des dessinateurs que tu aimes qui est très particulière, qui t'est complètement propre. Et qui est très sincère et qui est technique, juste, enfin, ouais, c'est un régal à chaque fois de t'entendre parler des dessinateurs que t'aimes. Et donc, quels sont tes dessinateurs favoris? Eh bien, tout d'abord, c'est très gentil. Je t'envoie le chèque comme d'habitude, hein, à l'adresse habituelle. On change pas, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et première digression, j'ai découvert une chaîne YouTube hier. C'était encore Max Faraday et il parle d'un gars qui s'appelle Style Comics, Style Comics. Et c'est un petit nouveau et il parle encore plus technique que moi. Mais lui, il parle technique de mise en page et trucs comme ça. Enfin, c'est génial pour D'accord. les geeks comme moi. J'ai envie de dire que j'ai trois dessinateurs favoris. Le premier, c'est Gil Kane, qui a influencé Frank Miller et John Byrne. Alors ensuite, à prendre avec des pincettes, parce que Gil Kane avait un style dans les années 40-50 qui était assez bof. Et dans les années 70, il y a le style qui m'a fait aimer Gil Kane. Et Gil Kane dépendait énormément, comme tous les dessinateurs américains, il dépendait énormément de l'encreur. Et Gil Kane plus Klaus Janson, mais c'est le Nirvana. Parce que Gil Kane dessine, il a une maîtrise de l'anatomie humaine qui est hallucinante. Il peut te dessiner un corps humain dans n'importe quelle position, tous les muscles sont à leur place. Ça, c'est le seul à ma connaissance à faire ça, à le faire aussi bien, sans exagération à la Rob Liefeld ou déformation à la Todd McFarlane. Donc ensuite, surtout chez DC, il s'est ancré lui-même. Donc au début, il a été ancré par Klaus Johnson chez Marvel, mais chez DC, à la fin des années 80, à la fin de sa vie en fait, il s'est ancré lui-même. Et c'est absolument fabuleux. J'ai acheté des Superman dessinés par Gil Kane et ancrés par Gil Kane uniquement pour cette raison. J'ai même pas lu les épisodes, quoi. J'arrive pas à m'accrocher à ces histoires, mais je feuillette juste pour le plaisir des yeux. Et donc tu as Frank Miller, pareil, ancré par Klaus Johnson. Et Frank Miller, quand il s'ancre lui-même dans ses premiers Sin City et dans son Elektra Lives Again. Après, il est parti dans des expérimentations graphiques que je n'accroche pas du tout et j'ai complètement arrêté de lire en fait ce qu'il faisait parce que visuellement ça ne me plaît pas. J'admire, si tu veux, le fait qu'il ait eu le courage, l'audace de partir dans un genre complètement différent, mais c'est ma tête qui parle et mon cœur dit non, caca, pipi, je veux pas ça. Et c'est un petit peu pareil avec John Byrne. John Byrne, à ses débuts, ancré par Terry Austin, c'est magnifique, mais c'est Terry Austin, en fait, qui repasse par-dessus. Et quand il fait les X-Men, donc c'est superbe. Quand il dessine au début les Quatre Fantastiques, il a fait un run de 5 ans. J'ai envie de dire, les 2-3 premières années, c'est magnifique, parce qu'il fait toujours du Terry Austin, même s'il s'en crée lui-même. Et après, il commence à s'émanciper un peu de ce style-là. Non seulement il fait les Quatre Fantastiques, mais il fait Alpha Flight. Et je trouve que son style se délie. Et j'aime pas du tout les visages qu'il fait à ce moment-là. Au niveau anatomique, il est toujours parfait. Et il fait toujours des scènes de groupe qui sont hallucinantes. Il fait des couvertures de groupe qui sont à tomber par terre, comme on en parlait avec Georges Pérez avant. Mais les visages, j'aime pas les bouches qu'il leur fait. Et la dernière série que j'ai vraiment aimée avec lui, c'était les Next Men, qui a été publiée par Dark Horse et republiée par IDW. Je crois que c'est Et je crois que... dispo, je sais pas si c'est pas Delirium ou je te dirais peut-être une connerie, Ouais. mais je crois que c'est dispo en France. Oui, ça a été... Mais j'ai même l'impression que c'était IDW France, si ça existe, Je qui sais l'a pas. fait. Je crois bien que c'est Delirium. Ouais, Mais bref. je crois que tu as raison, ça doit être Delirium. C'est un petit éditeur comme ça qui l'a publié en France. Mais franchement, Next Men, justement, c'est une histoire de science-fiction. J'adore les histoires où les auteurs mettent des super-héros en scène dans un monde réel. C'est pour ça que j'ai adoré Watchmen, c'est pour ça que j'ai adoré V pour Vendetta ou Red Son, si on veut. Next Men, c'est une série qui a été faite en deux fois. La première fois, il a fait, je crois, 30 numéros chez Dark Horse. Il s'est donné un break de 6 mois et il a arrêté en fait pendant 15 ans. parce que durant ces 6 mois, eh bien, Image a plus ou moins détruit le monde de l'industrie des comics en Amérique, et c'était plus viable pour Dark Horse de mettre de l'argent dans X-Men. Et donc, il est resté sur son bébé pendant 15 ans, et puis il y a IDW qui a proposé en fait de publier la suite. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait une suite. Je pensais qu'il avait arrêté sa série à un endroit précis, et j'avais trouvé ça hyper couillu. Et après, en fait, bon, quand j'ai vu la suite, je trouvais que ça rajoutait de... Ça mettait, ça rendait ça rendait la série trop compliquée pour rien, en fait. Il aurait dû rester vraiment à la fin de son premier run. Mais bref, ça c'était fin de ma digression. Et donc, pas d'autres dessinateurs préférés? Bon, il y a toujours... Enfin, Sienkiewicz. pour vous dire, ouais, t'as Sienkiewicz, t'as Barry Windsor-Smith, enfin... J'en ai 15 millions, quoi. J'ai tous ceux que je présente dans... Il y a John Romita Junior, tous ceux que je présente dans ma chaîne. Et allez Mais... vous abonner et voir sa chaîne YouTube. Faites-vous ce beau cadeau. Bon sang de bonsoir, c'est quand même incroyable. À un moment donné, donc t'as choisi en fait de parler de comics et bah ouais, de parler de ta passion. Alors déjà, pourquoi t'as choisi le format vidéo pour parler de ta passion? Parce qu'on peut en parler de plein d'autres manières. Et puis pourquoi absolument vouloir en parler sur YouTube? Et est-ce que tu trouves que le besoin de partager en fait autour de ta passion, est-ce que ça fait partie intégrante en fait à l'heure actuelle de ta passion des comics? Vaste débat, cher ami. Quand tu commences comme ça craint, ça veut dire que ça va être long. Bah ouais, parce que j'essaie en fait de mettre mes idées en ordre. En fait, j'ai toujours voulu partager mes passions. J'ai fait un site internet en 96 pour parler de Resident Evil, pour partager ma passion de Resident Evil. Un peu plus tard, j'ai créé le premier portail de site internet sur Resident Evil, puis la première chaîne YouTube sur Resident Evil. Et tout ça, c'était pour partager ma passion, pour partager des informations, pour aider les gens. Parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'incompréhension au sujet des personnages, des monstres, etc. Parce que c'était, il y avait beaucoup de livres qui étaient publiés en japonais, qui n'étaient jamais traduits en français. Et je suis parti de la même démarche pour parler des comics. Je me suis rendu compte qu'en fait, en lisant des magazines, principalement des magazines officiels, mais aussi des fanzines américains, il y avait beaucoup d'informations que moi-même je ne connaissais pas à l'époque, donc dans les années 80, mais que les lecteurs américains connaissaient. Parce que donc ils avaient accès à ces fanzines ou ces magazines. Et je me suis rendu compte aussi que certaines de ces interviews ou de ces analyses avaient été traduites en partie dans Scarce, par exemple, D'accord. ou dans d'autres fanzines, mais Scarce et les autres fanzines en France sont très peu ou très mal connues. Il y avait Comics Box aussi qui l'avait fait à un moment. Mais donc je m'étais dit, bon bah maintenant j'ai l'impression que le médium semble être YouTube. Il y a plein de gens, on appelle ça des YouTubeurs, je crois, qui se mettent devant une caméra puis qui se mettent à parler. Et donc, bah, pourquoi ne pas faire ça? Parce que, donc je reviens à mon histoire de traduction, traduire par écrit, oui. En même temps, bon, c'est long, ça prend du temps, etc. Donc, c'est plus facile de traduire verbalement. Et c'est ce que j'ai fait notamment avec deux magazines sur les X-Men, les X-Men Compagnons. Ouais. J'ai traduit, je crois, en une demi-heure, bon, plein de trucs qu'il m'aurait fallu des jours et des jours pour traduire, pour mettre en page, etc., pour faire par écrit. Et c'est pour ça, c'est cette raison-là principalement que j'ai fait cette chaîne YouTube. C'est pour partager facilement, relativement facilement, des informations qui, à mon sens, sont peu ou mal connues des lecteurs français. Le truc, c'est qu'en fait, je déteste parler. Justement, c'est aussi pour ça que je fais comme surnomme le professeur, parce que j'ai pas ce côté youpi, youkaïda, allons-y, on va s'amuser. Et je le regrette, en fait. Je le regrette parce que j'ai dit tout le bien que je pensais de toi, je vais dire maintenant tout le bien que je pense de Amazing Geek, le mec, Bob Zombie, dans la chaîne Amazing Geek. Non seulement c'est une mine de connaissances, c'est une source incroyable d'analyse, de recherche, mais en plus, il fait ça de façon ludique et interactive. Bon, il va même un petit peu trop loin, à mon sens. Et bon, lui et moi, on avons beaucoup parlé hors caméra, enfin, hors YouTube. Je trouve qu'il va un tout petit peu trop loin dans le pipi caca, crotte boudin, machin. Mais en même temps, c'est sa façon de faire, c'est son. Il a choisi cette voie-là pour s'exprimer. Et j'ai un immense respect pour lui parce que non seulement ils passent des heures à chercher de l'information, mais ils passent d'autres heures à mettre ça en forme de façon amusante. Déjà, juste de chercher, enfin, faire tout le travail de recherche, pour moi, me prendrait des semaines, des mois, mais essayer de le faire de façon amusante, comme il le fait, ou d'une façon similaire, mais ça me prendrait encore d'autres mois avant que je puisse sortir juste une vidéo. Donc j'ai un énorme respect pour ce qu'il fait. C'est enfin ouais, après c'est bon, c'est ça que j'aime bien, mais en plus bon bah du coup on l'a invité, je l'ai invité ici donc du coup pour faire une histoire de fan de comics, et bah toi t'as pas pu évidemment au moment où on parle l'épisode avec Bob Zombie il est déjà, parce que j'en enregistre beaucoup d'affilée et ensuite je l'ai dilué dans le temps, donc au moment où on parle tous les deux bah, en fait t'as pas pu écouter ce truc avec Bob Zombie, et on a beaucoup parlé de ça aussi tu vois. Et du bah du fait bah ouais de j'allais dire de sa ligne, mais voilà du fait que Bob Zombie bah c'est un personnage qui s'éclate avec, que tu peux avoir des gens alors bah qui aiment pas ou tu vois à petite dose, enfin voilà ça s'entend, mais il y a eu des gens aussi à un moment donné qui ont essayé de et bah de le forcer à changer pour leur propre plaisir à eux, et ça c'était déjà nettement plus emmerdant. Après, si on n'aime pas, on n'aime pas, tu vois, c'est pas la question, mais tu regardes pas, mais tu forces pas les gens à changer pour ton propre plaisir. Et moi, le truc qui me fascine, c'est que y a ce côté, effectivement, tu vois, amour des comics, on sent aussi cet amour, en fait, et bah de la transmission. Tu vois, on sent que c'est quelqu'un qui aime transmettre les choses qu'il aime, et qu'en même temps, et bah Bob Zombie, bah c'est un palliatif, un dérivatif, un truc qui lui permet en fin de semaine, après une bonne grosse semaine de merde, de pouvoir se lâcher les chevaux et se faire plaisir. Et il y a aussi ce côté artiste qu'il y a chez lui, tu vois, le côté créateur. Mec, il créait des bandes dessinées, le côté jeu de rôle, enfin tu vois que le côté artiste créatif, il l'a vraiment en lui. Et il peut pas faire des vidéos, je pense, sans créer son univers à lui autour. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. La chose, c'est que pour moi, je l'ai découvert avec une vidéo, je crois que c'était sur Le Seigneur des Anneaux, l'analyse des films. Et c'était très pointu, ça durait, je crois, une demi-heure, 45 minutes. Il n'y avait aucune blague, enfin, il n'y avait aucune digression sexiste ou grossière. J'avais adoré ça. Et c'est à cause de cette vidéo-là, bon, c'est une de ses premières vidéos, en fait. Et à cause de cette vidéo-là, j'ai regardé sa chaîne. Et j'ai pris ses vidéos dans l'ordre chronologique. Donc je ne les ai pas toutes regardées non plus, parce qu'il en avait fait un paquet. Mais j'ai regardé toutes celles dont le sujet m'intéressait. Donc 90%, je veux dire. En fait, le côté qui est quasiment agressif maintenant dans ses vidéos est assez récent. Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Et je comprends tout à fait ce côté de « il veut se libérer ». Il a eu une semaine de merde et ouais, il se lâche. Et il y a plein de gens comme ça, de YouTubeurs, qui ne sont pas comme lui, enfin, ils sont, j'ai envie de dire, dans l'entertainment. Donc, ils veulent faire des gags ou faire du spectacle. Et moi, je déteste ça. Je ne vais pas voir une vidéo YouTube pour voir un spectacle. Je vais voir une vidéo YouTube pour apprendre quelque chose. Et je comprends que je suis dans une minorité parce que 90% des gens veulent juste s'amuser. Moi, je veux apprendre quelque chose. Donc, 90% des YouTubeurs, et surtout des YouTubeurs qui sont fameux, qui ont des milliers, voire des millions d'abonnés, je regarde 30 secondes et je dis, bon, bah, c'est pas pour moi. Parce que je vois que le mec, il est dans un numéro de clown, et même si ce qu'il dit est intéressant, la façon dont il le dit m'emmerde. Et pour en revenir avec Bob Zombie, j'aime tellement ce qu'il fait, en fait, que je lui ai piqué un petit peu son fonds de commerce, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on parlait de la même chose. Ça m'est venu progressivement. Je me suis rendu compte que moi aussi, j'aime parler de cette période nostalgique des années 80, des années 70. Sauf que lui, c'était vraiment son fonds de commerce. Depuis, je crois, depuis le début de l'année, en fait, je me suis plus axé sur ce côté nostalgique. Parce que je me suis rendu compte, en fait, oui, je parle tout le temps des vieux comics. Je parle pas des nouveaux comics parce qu'ils m'intéressent pas. Ou ça reste vraiment très, très rare, ou c'est des exceptions. Par contre, j'aime parler, justement, et essayer de faire découvrir ou redécouvrir des artistes qui m'ont enthousiasmé quand j'avais 10, 12, 15, 16 ans. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que tu vois, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir au fur et à mesure, tu vois, de ces podcasts avec bah, différentes personnes qui vont venir ici. J'espère qu'il y aura des plus jeunes, enfin voilà, et qu'on puisse se rendre compte que bah, si, même si tu as des différences de génération, de ton, de goût, et bah, en fait, voilà, on aime tous le même truc, quoi, à la base. Qui a évolué, qui a grandi avec bah, des gens qui à un moment donné, et ben voilà, ça, les comics récents, bah, ça colle plus, et ben voilà, ils arrêtent d'en lire, mais c'est pas grave, il y a tellement eu de trucs qui ont été faits avant que du coup, je sais même pas si c'est, il y a peut-être une part de nostalgie, mais j'aime pas le terme de nostalgie parce que ça a tendance à être sclérosant comme terme. Tu vois, le terme de nostalgie, on va rapidement y raccrocher une expression. Voilà, le c'était mieux avant. C'est pas que c'était mieux avant. Moi, j'adore, tu vois, les années 80, les années 15. Non. Ne me nique pas ma tirade, tu entends? Non, c'est pas que c'était mieux avant. C'était que ça nous correspondait. Ça nous correspondait. Il y a aussi beaucoup ça. Que c'était notre temps, c'était notre époque, c'était nos 20 ans. C'était notre moment. Et des gens bah, qui ont 20 ans, 25 ans et qui lisent des comics de maintenant et qui s'enthousiasment pour des lectures récentes, c'est parce que c'est leur temps. Ça ne veut pas dire que le nôtre, il est passé, il est complètement passé. Mais bah, voilà, on a grandi, on a vieilli, on a mûri. La vie nous a mis des coups dans la gueule qui fait qu'on est peut-être un petit peu moins... je sais pas comment dire, c'est pas irritable, mais enfin voilà, on s'est fait tanner le cuir, quoi, clairement, tu vois. Et bah c'est l'âge, c'est l'expérience de la vie. Et ça vous arrivera aussi, bande de petits trous du cul qui nous écoutez du haut de vos 20 ans. Ça vous arrivera beaucoup plus vite que vous croyez. Mais c'est magnifique, c'est le chemin de la vie, c'est ça qui est génial. Putain, c'était beau, on aurait en resté là. Dis-moi. J'en reviens sur Resident Evil. En fait, Resident Evil, c'est comme les comics. C'est-à-dire que Resident Evil, c'est une série de jeux vidéo. Chaque jeu vidéo est tellement particulier, tellement spécial. À chaque fois qu'un joueur découvre la série, quel que soit l'épisode avec lequel il la découvre, ça restera toujours son numéro spécifique, son numéro fétiche. Et j'ai l'impression que les comics, c'est pareil. Tu vas découvrir une série avec un auteur pour une raison XY, ça va te marquer. Tu vas accrocher à cet auteur, à cette série, et ça va devenir ta référence. Ouais, ton maître étalon. Et, ouais, et tu peux apprécier ce qui a été fait avant, mais pour toi, le meilleur, ça sera toujours celui avec lequel tu as découvert la série, ou la série que tu as découverte à ce moment-là. Quoi. Et je ne sais pas pourquoi, mais... Mais ça, alors, ça tu vois, je suis en partie d'accord avec ça. Parce que du coup. Non, tu es d'accord avec ça. mais peut-être qu'il va falloir encore quelques années pour que je sois totalement d'accord avec ça. Mais parce que tu vois, j'ai 39 balais, là, j'approche de mes 40 ans à grands pas. Ah, mais comme t'es jeune! Vite fait, hein. Vite fait. Mais mon cuir chevelu me dit le contraire. Déjà par cette absence capillaire qui devient de plus en plus insistante. C'est ça, tu vois, qui est fou quand tu vieillis. C'est-à-dire que tu perds tes cheveux et ceux qui restent veulent devenir gris. Les enculés. Mais que les gris se barrent et que les noirs restent, tu vois. Non, c'est l'inverse. C'est vraiment très triste. Et donc, je disais ça pourquoi ? Et tu vois, j'ai 39 balais. Et ce qui est normalement un âge beaucoup trop avancé pour lire des comics Marvel et des comics DC. Et pourtant... J'ai encore des comics récents qui sortent là, maintenant, au moment où on parle, que je trouve mais extraordinaire. Extraordinaire visuellement, dans la narration, dans le propos, dans plein de trucs. J'avoue, c'est au milieu d'un océan de trucs qui ne m'intéressent pas. Il y a plus de 80% facilement des publications, tu vois, de chez Marvel et de chez DC, bah, qui m'intéressent pas. Mais il y a des trucs dans les 20% que je trouve extraordinaires, vraiment. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Tant que ça durera, je continuerai à essayer de trouver des comics récents qui me plaisent. J'adore découvrir de nouveaux artistes. Des artistes qui percent, tu vois. Qui, à leur propre niveau, je peux pas dire, je sais pas s'ils révolutionnent le médium, ça on le saura dans 20 ans s'ils l'ont révolutionné, mais qui font des trucs qui marchent, quoi, qui sont ultra impactants. Et c'est, je trouve que c'est vraiment super. Chaque décennie, chaque époque en fait a vraiment ses avantages et ses inconvénients, hein. Vraiment. Et si je vois bien les inconvénients de l'époque dans laquelle on vit, clairement, il y a aussi énormément d'avantages. J'ai une dernière question pour toi. Je termine toujours avec Vas-y. cette question. Ça, c'est traditionnel. En imaginant, tu vois, tout à l'heure, je te demandais si un peu, tu vois, les artistes, tu vois, qui t'aimaient. Et quand je pose cette question, j'en choisis un. Et en imaginant, tu vois, tu réussis à faire une convention aux États-Unis. Bon, il n'y a plus toutes ces conneries de Covid, tout ça. Et le hasard fait que tu réussis à te retrouver en tête à tête pendant 10 minutes, pépère, à la cool, avec John Byrne. Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est un gros connard. Bon, il va te péter la gueule, mais bon. Franchement, le mec. J'ai peut-être pas choisi le bon. Tu veux que je t'en choisisse un autre? Frank Miller? Non, tu vas dire que c'est un connard aussi, je pourrais pas te jeter la pierre. Gil Kane? Il est pas Il mort, Gil Kane? est mort. Bon, alors tu fais Il du est spiritisme à la cool pendant une convention. Non, en Non. fait, le truc avec John Byrne, c'est que sur son. Bon, il a un site web qui est en même temps un forum Ouais. dans lequel il publie son X-Men Elsewhen, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est une série non officielle qu'il dessine, qu'il crayonne page par page depuis 3 ans, 2 ans maintenant. Il commence sa troisième année. Et en fait, j'ai découvert la face cachée du bonhomme, quoi. Et c'est pas quelque chose que j'apprécie du tout. Enfin, il a 80 ans quasiment. C'est vraiment un vieux con. Il comprend pas Internet, il comprend pas comment ça marche. Il passe son temps à gueuler que pourquoi est-ce que les gens publient mes pages qui sont gratuites sur mon site et puis même pas sur mon site? Bah ouais, mais parce que sur son site, pour s'y abonner, enfin, pour s'y inscrire, il faut une adresse qui ne fasse pas partie des adresses gratuites, du style Gmail, Yahoo, Google. Donc, il n'y a personne qui peut s'abonner, quoi. Il faut que tu t'y abonnes avec ton adresse du bureau. Enfin, bref. Non, j'étais vraiment déçu à ce niveau-là par le monsieur. J'avais énormément de respect pour lui. Enfin, j'ai toujours du respect pour l'artiste, mais nettement moins pour le bonhomme. En fait, Bill Sienkiewicz, j'ai pas grand-chose à dire à ces gens. C'est ça qui est triste, en fait. Je m'intéresse pas à la personne. Je m'intéresse à l'artiste. Ouais, mais à Et l'artiste, tu pourrais lui dire quoi? ben, en fait, que j'adore ce qu'il fait, j'admire ce qu'il fait. Je suis une admiration devant ce qu'il fait et quelles ont été ses influences. Je vois surtout Elektra Assassin, un truc, mais ça m'a explosé la tête, quelque chose. J'avais l'impression de prendre du LSD quand je lisais ses pages, quand je regardais ses pages. C'était, mais comment le mec peut passer d'une case à l'autre, d'un style à l'autre, case par case? Quand tu regardes Elektra Assassin, c'est hallucinant. Quand il te fait passer, il dessine l'enfance de Elektra, il dessine des dessins enfantins, comme si c'était elle qui dessinait quand elle était petite. Et t'as un dessin comme ça qui est crayonné avec de la craie de couleur, la case qui est suivante, ça va être du photoréalisme. J'arrive pas à comprendre comment ton esprit fonctionne, tu vois, pour être capable de faire ça, pour passer d'une case à l'autre. Je pense que Sienkiewicz, c'est le mec visuellement mais le plus influencé. Quand j'essayais de dessiner, quand j'étais petit, pas plus jeune, j'essayais de faire des comics. J'aurais voulu être dessinateur de comics. Et je me souviens que c'était aussi, enfin, je vois, c'était dans son illustration de Moby Dick, parce qu'il a illustré des classiques, Putain, alors comme ça, j'aimerais bien le voir, Moby Dick par Sienkiewicz. enfin, franchement, en trade paperback, tu le trouves à 10 dollars, quoi. Ça vaut rien, quoi. Il n'y a aucune valeur ajoutée aux comics. Ouais, et c'est vraiment bien? Bah, c'est Moby Dick. Ouais, non mais j'adore. Alors j'adore l'histoire de Moby Dick. C'est un livre que j'ai lu et j'adore l'histoire de Moby Dick. Même le vieux film de Walt Disney, j'adore. Mais Moby Dick, parce qu'il y a quand même un délire, tu vois, derrière Moby Dick. C'est pas juste quatre connards qui vont chasser la baleine. Il y a un délire derrière. Et Moby Dick à cab avec Sienkiewicz, ouais, je serais curieux de le voir, quoi. Waouh. Écoute, tu sais, bon, tu as toujours des cadres blancs, d'accord, qui délimitent les cases. Ouais. Et ces cadres blancs sont tirés à la règle. Donc c'est toujours très propre, très clean, très. Eh ben lui. Et je crois qu'il l'a fait avant, mais c'est là que je l'ai remarqué la première fois dans Moby Dick. Il s'est mis à tracer des traits à main levée, qui fait que c'est trembloté. C'est plus clean, c'est plus net. Ça a un côté un petit peu. Ta case se met à trembler. Je sais pas comment exprimer ça. C'est pas un peu comme si t'étais Et dans le journal intime d'un mec? voilà. Tout à fait. Bah, tu es dans le journal intime d'Akab. Ouais. Et non seulement il fait ça, comme ça des traits à main levée, mais quand il fait, je crois que la première fois qu'il parle de Moby Dick, au lieu de faire ses traits, il fait des dents de cachalot. Donc la case est délimitée par des dents de cachalot. Ah, tu vois, il y a des procédés comme ça, je me dis, où il va chercher ses idées? En lui-même, c'est un détail. Peut-être que 80% ou 90% des gens passent à travers. Mais moi, ça me saute aux yeux. Je me dis, comment son esprit fonctionne pour avoir ce genre d'idées? C'est ça qui me fascine avec lui. Il n'y a pas tellement de savoir ce qu'il a mangé hier ou avec qui il a été à l'école ou il vote à gauche, à droite. Tout ça, je m'en tamponne. Même si j'imagine que ça a une influence énorme sur son travail. Mais où il va chercher ce genre d'idées? C'est ça qui me... c'est ça ce que je pourrais lui... c'est ça ce que je lui demanderais. Je pouvais le faire. Et tu vois, d'après ce que je vois, c'est sorti en français. Ah, bah très bien. Et c'est sorti en français, mais il y a déjà une paire d'années a priori. Et je vois juste deux, Ah bah trois oui. images. Et ça donne très très envie. Donc je vais essayer de le trouver, clairement. Si t'es d'accord, bah, je pense on va rester là. On a un petit peu plus de 2 heures d'émission. Un petit peu. Ah bah non. Ah bah non, on va pas se quitter déjà. Pas déjà quand même. Arrêtez-le, il parle trop. Non, non, Bon. non, c'est pas ça, mais c'est que bah, bah, c'est malheureux, mais l'heure tourne, tu vois, et on pourrait le faire. Enfin, mais c'est pour ça que je Est-ce savais que... que ce truc serait intéressant, parce que bah, voilà, on a tellement de choses à se dire, donc forcément, je suis sûr, on refait exactement la même émission demain, avec tout un tas de questions que j'ai pas eu le temps de te poser, et on digresse, et on repart encore sur d'autres trucs pendant 4 heures, mais c'est ça qui est génial. Bon, bah rendez-vous pris pour demain alors. Alors Ah bon, demain, il se trouve oui, que j'ai un truc à faire, ça va pas être possible, mais effectivement, non, mais c'est vrai que si on a l'occasion un jour de se faire un petit live avec Bob Zombie tous les trois à dire des bêtises il faut. et à passer un bon moment, bah, ça peut être cool. C'est vrai qu'après il y a bah, tu vois, pour faire un truc comme ça ensemble, toi ça t'oblige à te lever tôt le matin et moi c'est en plein milieu de l'après-midi. Donc il faut arriver à avoir des agendas qui s'accordent, et c'est malheureusement pas toujours simple. Mais en tout cas, si un jour on a l'occasion et qu'on essaye de construire cette occasion, ce sera avec plaisir, les gars, vraiment. Quoi qu'il en soit, Eh j'espère que tu as bien, passé un tout à bon fait, moment. Thierry. Tout Que... à fait, Thierry Eugène. Et je te remercie énormément, énormément pour cette invitation. Mais c'est On moi a qui fait te énormément de remercie. plaisir. Et tu sais, en fait, à chaque fois que tu fais un de tes podcasts, j'en apprends un peu plus sur toi. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Ah, et je ne suis pas l'ignoble connard que tout le monde veut bien laisser croire, non. Mais. Ah, je ne sais pas qui peut penser ça, parce que comme je l'ai dit, tu nous prends par la main dans chacune de tes vidéos, tu nous ouvres ta porte. Mais là, à chaque fois que tu fais un podcast, on en apprend un petit peu plus sur toi. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Écoute, c'est gentil. Après, j'essaye de limiter mes réactions, enfin mes réactions. Je trouve que je parle trop, tu vois, dans l'histoire de fans de comics. Il y a des fois, Non, non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, mais parce que, après, si tu veux, moi, donc du coup, je monte l'épisode. Et moi, je suis obligé de m'écouter, du coup. Et je m'auto-soule, des fois. Alors voilà, bon, j'assume qu'il y en a qui vont m'envoyer des messages en me disant, ouais, c'est vrai, tu t'auto-soules et tu me saoules aussi. Voilà, les joies d'Internet. Mais forcément, j'ai l'œil très, très critique et acerbe quand je m'écoute. Bah, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais Et l'émission, qu'est-ce elle que n'est je pas peux? faite pour que je parle normalement. Elle est faite pour faire parler les autres. Et des fois, j'écoute et je m'auto-dis, mais ta gueule, en fait. On s'en fout. C'est la personne que tu invites qui doit être mise à l'honneur. Et bon. J'essaye de m'arranger, de m'améliorer. Voilà. Mais oui, enfin, je comprends, mais d'un autre côté, non. On aime t'écouter parce qu'on aime te connaître. Donc, laisse un peu de jet dans cette émission. Ah ouais, mais de toute façon, je réussirai jamais à l'enlever, hein. Écoute, qu'on soit bien d'accord, hein, je vais te dire, personne n'a réussi à me faire fermer ma gueule en 39 ans. Il serait étonnant que ça arrive maintenant, quoi. Mais bon, après, on sait jamais, hein, on sait jamais. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Vraiment, un plaisir et un privilège, mon ami. C'est vraiment super cool. t'es vraiment un mec en or, et ça les gens ils le savent pas forcément, et voilà, t'es un mec en or massif. Et c'était vraiment une grande joie. Je le redis, pour peut-être la première fois en podcast, mais pour la je ne sais combien de fois, faites-vous un beau cadeau. Allez regarder les vidéos de G et du French Geek, et puis la caverne du French Geek sur YouTube. Évidemment, les liens seront en description. C'était un plaisir de vous proposer une fois de plus un épisode d'Histoire de fans de comics. La prochaine fois, un autre invité prendra place, à ta place, hein, clairement. Et puis, c'est pour dans très bientôt. On vous dit au revoir. Salut, G. Allez, ciao, ciao. À plus, les gens.